library customers, it's snack time. Anybody under the age of 18, if you want to get a free snack, please come to room number 1 and come get your yum yum snack. Wash those little hands of yours and make sure you walk. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Merci, merci. Merci beaucoup, chers compatriotes. Merci. Soyez salués. Bonsoir à tout le monde. Que Nzambakana veille sur vous et sur votre week-end. Et merci. Oh, qu'est-ce qui se passe avec la caméra? Ma caméra est comment? Oh! Mais c'est ce que je pensais là. Alors, je suis en train de voir comment je peux redresser ça. On va voir. Are you sure you want to stop streaming? Ok. Je crois que la caméra n'accepte pas cette position. Donc, je vais la remettre dans sa position initiale. Rien de pas. C'est parfait maintenant, hein? Ok. Pardonnez-moi. Bien. Nous nous sommes donc donné rendez-vous, je crois, il y a plus d'une semaine. Et une fois de plus, je vous remercie pour tous ceux qui, de loin et de près, ont tenu à être à notre rendez-vous. Et là, je vais vous parler d'un sujet. J'en ai parlé en quelques parties dans d'autres vidéos. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus spécifique parce que beaucoup de personnes m'ont toujours posé la question de savoir y a-t-il un moyen où notre corps à nous peut nous obéir? En d'autres termes, nous prions tous les jours. Nous avons comme l'impression que vraiment les prières, nous avons comme l'impression que vraiment les prières ne sont pas entendues. Nous avons comme l'impression que tout n'a pas l'air de marcher dans notre vie. Et la question est la suivante. Que faut-il faire? Donc, je crois que pour résoudre le problème, il ne faut pas le résoudre de l'extérieur. Mais il faut commencer à le résoudre de l'intérieur. Donc, à partir de votre intérieur, de votre propre intérieur à vous, je crois que c'est là où on doit trouver d'abord la cause des problèmes et ensuite la solution aux problèmes. Donc, je vais aller ici avec vous sur six lignes bien importantes. C'est-à-dire, il y a six points que je veux pouvoir étaler, que je veux pouvoir développer avec vous sur ce sujet-là. Comment faire en sorte que notre corps obéissent à nos commandes. En d'autres termes, y a-t-il possibilité que consciemment, par le verbe ou par la pensée, on peut par exemple empêcher qu'une maladie se développe? On peut empêcher que quelque chose s'aggrave. Voyez-vous? Donc, vraiment, veuillez m'excuser là, je suis en train de donner de... J'ai un petit souci technique là. J'aimerais bien clarifier. Je vous en prie, une minute. Je vous arrive dans une minute. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la composition de notre corps d'une manière générale, c'est-à-dire la composition physiologique, biologique et sa fonctionnalité. Je vais vous amener un peu dans la science de notre corps humain, c'est très important. Rassurez-vous, je ne vais pas vous amener dans des terminologies trop complexes. Je vais essayer de casser tout et de ramener ça au même niveau de compréhension que tout le monde. Ça, c'est un, la composition de notre corps. Et ensuite, au deuxième point, quand et comment notre corps commence justement à subir cette incapacité de fonctionnalité. Parce que quand Dieu Nzambakana nous a créés, je parle de notre naissance, quand on sort du ventre de notre mère, je vous dis que le Dieu suprême est merveilleux. Parce que quand nous venons à notre existence en tant que bébé, normalement, tous les éléments, comme nous allons découvrir, sur les sept éléments de notre corps, c'est-à-dire les sept systèmes, c'est vrai qu'ils prennent un temps, ils se développent, tous les organes se développent, ils prennent une certaine taille. Mais il y a un moment où, justement, notre corps commence à perdre son incapacité de fonctionnalité. Et je vais vous expliquer également, puisque je parlais de quand ça commence, et ensuite le comment ça se passe. Troisièmement, je vais vous expliquer quels sont les différents blocages, en fait, qui empêchent que notre corps, dans sa constitutionnalité, dans son entièreté, je vais donc ici vous expliquer quels sont les différents blocages dont nous sommes victimes, ou encore qui obstruent la bonne marche ou la bonne fonctionnalité de notre corps, de faire en sorte que notre corps soit en harmonie, de faire en sorte que depuis le corps mental jusqu'aux différents corps, donc le corps physique, parce que le corps mental est celui-là qui peut donner des impulsions informelles, donner des impulsions, donc des messages sous forme impulsive pour que le reste du corps obéisse. Mais nous allons donc comprendre quels sont ces blocages-là et où est-ce qu'on peut les identifier, où est-ce qu'on peut les trouver. Donc les blocages qui font en sorte qu'il y a des difficultés de faire passer les messages. Il y a des difficultés, par exemple, nous avons une douleur, nous avons une maladie, mais on se rend compte qu'à un moment, on lance la commande, mais ça ne passe pas. Nous avons vu des cas, le type va vous dire qu'il faut prier, mais vous priez, apparemment rien ne marche, la douleur est toujours là. Donc, il y a une raison. Donc, je vais vous faire découvrir quels sont ces blocages et où viennent ces blocages-là. Et ensuite, au quatrième point, je vais vous parler de ce qu'on appelle l'autodestruction. Ou encore, phénomène d'annihilation. Qu'est-ce que c'est un phénomène d'annihilation? C'est un terme que vous verrez, je l'utiliserai de temps en temps. Annihiler veut dire tout simplement annuler, ou encore rendre inefficace, ou empêcher quelque chose de fonctionner. Donc, nous allons parler de ça, l'autodestruction. Et également, nous allons parler du retour à la source. Et quand je parle du retour à la source, c'est-à-dire que de tous les 7 différents appareils ou systèmes, il y a un qui est au-dessus de tous, le cerveau. Donc, je vais vous amener, pardonnez-moi, je vais vous amener donc à l'intérieur du cerveau pour découvrir où se cache, en fait, où est le siège de notre âme, ce que nous appelons âme, par où la communication est possible avec Dieu, par où la communication est possible avec nos ancêtres, par où on peut balancer les messages afin d'influencer notre corps physique. Rassurez-vous, votre humble serviteur s'est bien préparé pour ça. Donc, je vais vous faire découvrir dans notre cerveau à partir de quel élément ou quel organe qui se trouve à l'intérieur du cerveau que vous pouvez utiliser consciemment pour pouvoir faire le reste du travail et lancer les commandes dans notre corps. Et enfin, pour conclure, je vais vous donner des exercices pratiques que moi-même j'ai expérimenté depuis plus de 30 ans. Lesquels exercices peuvent vous aider à rétablir cette communication entre vous et votre corps physique? C'est-à-dire rétablir une communication harmonieuse entre tous les corps. Et puisque là, je vais vous amener également dans la notion de différents corps. Le corps mental, le corps spirituel, le corps éthérique, le corps psychique, le corps physique matériel. Le corps astral. Donc ça, c'est des terminologies qui tournent autour de trois corps en réalité, que les chrétiens ou les religieux appellent l'âme, l'esprit et le corps matériel. Mais l'âme, l'esprit et le corps matériel, pour que leur fonctionnalité soit effective, ils ont besoin de certains éléments qu'on ne trouve nulle part ailleurs, si ce n'est qu'à l'intérieur de notre corps. Allons-y d'abord donc découvrir un peu la complexité de notre corps, les merveilles de notre corps. Comment Zambakana, le Dieu suprême, a créé ce corps? Lequel corps que malheureusement on s'amuse à manquer de respect. On tue le corps. On le tue de diverses façons. Par des abus de tout genre. Lequel corps, dans sa généralité, sa constitutionnalité, a été créé par Zambakana pour que nous puissions bénéficier, nous puissions jouir de la vie, ici-bas et aussi dans d'autres plans. Ce corps que je parle ici, ce corps physique, c'est en même temps, dans sa généralité, des trois corps, quand je parle de l'être humain qui est composé de ces trois corps, il a été créé par Zambakana pour qu'il puisse bénéficier justement de la jouissance de la vie ici-bas et dans les plans supérieurs. En d'autres termes, nous sommes un être équilibré. Nous sommes en fait le maître de l'univers. Dieu nous a mis sur cette terre pour être le maître de l'univers, c'est-à-dire l'intermédiaire entre le plan invisible et le plan visible. Mais tout est localisé dans une machine. Tout est localisé dans ce que les Égyptiens appellent le sarcophage. Bonsoir encore, une fois de plus. Donc, je suis en train juste de donner des grandes lignes. Donc, avant de commencer cette première grande ligne, j'aimerais attirer votre attention, pour ceux qui sont nouveaux, que ici, sur Tata Nzambe et le Tout-Puissant Kana, c'est une chaîne d'éducation, de sensibilisation, d'éveil de la conscience. Et quand nous sommes ici, je vous prie, s'il vous plaît, c'est moi qui suis en train de donner l'enseignement. Ne vous dérangez pas de poser les questions à la fin. N'apportez pas de distractions pour ceux qui veulent suivre, s'il vous plaît. Parce que ce que je vais vous dire, les connaissances que je partage avec vous, vous allez sûrement trouver certaines dans certains livres, peut-être. J'en ai pris certaines dans des grandes encyclopédies. Mais d'autres, je vous dirais 90% des connaissances que je partage avec vous est le résultat de mon propre travail mystique, de mon propre travail spirituel, de mes propres recherches. Je vais utiliser certaines terminologies qui parfois peuvent mettre certains d'entre vous mal à l'aise, pardonnez-moi. Mais vous verrez que vous comprendrez ce que je veux dire. Donc, notre corps, comment permettre à notre corps physique d'obéir aux autres corps, donc le corps mental, le corps spirituel ou le corps éthérique ne donne pas de messages. Le corps éthérique, c'est un corps qui est indépendant. Mais ici, il s'agit du corps physique. Parce que quand j'ai balancé le titre sur Facebook, je veux plutôt faire comprendre aux communs des mortels, aux religieux, ceux qui prient Dieu tous les jours, dont les réponses sont parfois difficiles à trouver auprès du Dieu suprême, auprès de celui que les humains appellent Dieu parfois. Jour et nuit, ils mettent le genou par terre, ils crient, mais ils ne trouvent pas de réponse. Il y a une raison derrière tout cela. Vous verrez qu'au cours de mon exposé, je suis une fois de plus, je vais être clair. Je ne suis pas contre les religions. Au contraire, la religion est un moyen par lequel l'homme est en train d'étalter. L'homme est en train de chercher à se connecter avec le monde de l'inconnu, avec le monde des possibilités, où il veut trouver des solutions ou des capacités. Il se cherche. Mais de manière générale, tout homme a tendance à chercher de l'extérieur. Mais moi, votre humble serviteur, je viens ici pour vous apprendre qu'il faut le chercher de l'intérieur. La rencontre avec celui qu'on appelle Dieu, généralement c'est le contraire. Les religieux vous disent qu'il faut aller le chercher à l'extérieur. Mais nous les initiés, on vous dit qu'il faut le chercher à l'intérieur. Or pour le chercher à l'intérieur, il faut connaître d'abord qui vous êtes. Et c'est le connais-toi toi-même, là, le béaba de notre corps physique dont je vais vous amener. Donc notre corps physique, faut-il le rappeler, tout le monde le sait. Je ne vais pas vous donner ici un cours de science naturelle. Du point de vue biologique, physiologique, nous savons que le corps physique est constitué des tissus. Au commencement, il y avait ce qu'on appelle l'ADN, l'acide désoxybonucléique, c'est comme ça on l'appelle. Cet acide désoxybonucléique, ou l'ADN, c'est l'histoire de notre vie. Et ensuite, après cet ADN, il y a eu ce qu'on appelle la cellule. La vie a commencé à travers ce qu'on appelle la première cellule. Et récemment, le groupe de Despoitiers, un groupe français de recherche, c'est reconnu par le CNRS, reconnu par les Américains, les Canadiens, a découvert que la première vie, la première cellule de la vie a été découverte au Gabon. Il y a de cela près de 2 à 4 milliards d'années. C'est surprenant. Donc, le corps humain, dans sa composante, commence par une cellule. Donc, ces cellules-là se multiplient. Et quand les cellules se multiplient, elles vont former ce qu'on appelle des tissus. Et une fois les tissus, qui sont des milliards de tissus, tous ces milliards de tissus se composant, se mélangeant, se formant, vont finalement créer un organe. Donc, un organe est un ensemble de tissus et de cellules. Et quand on parle de tissus, de cellules, ici, on parle de vaisseaux, on parle de capillaires, on parle de pigments ferrugineux, on parle Quand on parle des pigments ferrugineux, qui sont des câbles électriques qui permettent de transmettre des messages à travers tout le corps depuis le laboratoire qu'on appelle au niveau du cerveau, la centrale, au niveau de la centrale électrique qui émet tout. Voilà comment ça, le corps de l'homme se compose. Donc, je vous ai dit que ça commençait par la cellule originelle. Et de cette cellule originelle, c'est de là où est venue la vie. Et la cellule, donc, s'est multipliée. Donc, l'être humain a été créé à partir de cette cellule. Il y a eu une manipulation de la cellule pour que l'homme vienne à l'existence. C'est ainsi que la Bible déclare que Dieu est Elohim. Une fois de plus, suivez mes autres vidéos, j'explique. C'est pas moi, même les grands scientifiques sont d'accord que quand on parle Elohim, ça veut dire les dieux. Il ne s'agit pas de Eloa qui veut dire le Dieu unique. Donc les Elohim se rassemblèrent autour de leur grand laboratoire sur Terre et créèrent le premier homme à partir des cellules. La première cellule qui a été découverte au Gabon, pour ceux qui ne le savent pas. Faites circuler cette vidéo, même jusqu'en France. Ici aux États-Unis, ils sont tombés d'accord que la première cellule a été découverte en Afrique. Et c'est récemment qu'ils se sont rendus compte que c'est au Gabon, dans la zone de Mounana, qu'on a découvert la première cellule vivante. À partir d'un fossile, naturellement, qui date de près de 2 milliards d'années. Donc voici un peu la complexité de notre corps physique. Il y a des cellules, il y a des tissus, il y a des organes. Et chaque organe fait partie de ce qu'on appelle un système ou un appareil. Donc, un appareil ou un système, c'est une composante de soit un organe ou de plusieurs organes. Je vous amènerai par exemple dans le premier appareil, l'appareil qu'on appelle l'appareil respiratoire. Et bien voilà l'appareil respiratoire. Dans l'appareil respiratoire, nous avons les poumons, nous avons le nez, nous avons tout ce qui contribue à l'oxygénation et tout ça. Nous avons un autre appareil, l'appareil qu'on appelle l'appareil digestif. Donc, cet appareil digestif ici, son boulot, c'est de gérer la gestion de nutriments dans le corps, de pouvoir envoyer les énergies à gauche et à droite, donc sous couvert des intestins, gros intestins, petit intestin, et ainsi de suite, pancréas et tout cela. Là, nous avons l'appareil digestif ou le système digestif. Nous avons également un autre appareil, celui qu'on appelle l'appareil circulatoire. Donc, au niveau de l'appareil circulatoire, nous avons le cœur, nous avons, les artères et tout ça, les vaisseaux sanguins, etc. Nous avons également d'autres systèmes. Le système qu'on appelle le système nerveux. Et ce système nerveux, c'est celui qui se charge justement au niveau des mouvements du muscle, du contrôle, du bon fonctionnement des organes, qui assure et envoie l'électricité à gauche et à droite. Et tout cela se trouve au niveau du cerveau. C'est le cerveau donc qui est un peu la pièce maîtresse du système nerveux. Donc le cerveau va émettre des électricités qu'on appelle les électrons, sous couvert d'un phénomène, des fibres qu'on appelle les neurones. Donc ces neurones, en fait, ce sont des fibres électriques qui transmettent l'électricité dans tous les différents organes ou encore différents appareils du corps. Donc nous avons parlé du système nerveux, disais-je. Nous avons également le système musculaire, nous avons le système squelettique, donc tout ce qui gère la fonctionnalité au niveau des os, tout ce qui gère au niveau du squelette, tout ce qui gère au niveau des muscles. Voyez-vous, là nous avons déjà combien? 6, hein, de la du respiratoire, circulatoire, nerveux, digestif, et bien d'autres, et musculaires, et squelettiques. Et ensuite, nous avons également un autre qu'on appelle l'appareil de reproduction. Ah oui, l'appareil de reproduction, lui, a un rôle très prépondérant pour la reproduction de la vie, donc pour, en un mot, la vie, à travers l'appareil de reproduction que nous connaissons, et cet appareil de reproduction a plusieurs organes également. Je ne vais pas rentrer dans la liste. Donc, je vous ai promis que je ne vais pas vous amener dans le monde trop complexe de la biologie ou de la science naturelle, mais juste pour vous donner une idée de comment et qu'est-ce qui compose notre corps physique du point de vue biologique et physiologique. Voyez-vous? Donc, nous pouvons déjà retenir ici que notre corps physique est composé de 7 systèmes. OK? Ou composé de 7 appareils. Bon, d'autres médecins ou d'autres spécialistes. Moi, je ne suis pas un médecin. Je suis spécialisé dans la psychiatrie. Et ensuite, je fais psychologie. Mais Écoutez, en tant qu'initié, il faut connaître tous ces phénomènes-là. Souvenez-vous, le connais-toi toi-même est très important pour évoluer dans la science et pour évoluer dans la vie. Vous n'êtes pas obligé d'être un illuminé pour avoir un doctorat ou un PhD, mais il faut apprendre. Donc, je vous amène donc à l'intérieur de notre corps, comment notre corps est composé. Donc, je vous ai parlé de tous ces systèmes-là. Donc, tous ces systèmes fonctionnent de manière harmonieuse, sans incident, sans un problème. Maintenant, je vais vous expliquer un peu qu'il faut seulement retenir que tous ces systèmes-là travaillent de manière harmonieuse, depuis le système nerveux qui contrôle tous les autres systèmes, en passant par le système de reproduction qui va nous amener un nouvel être humain sur Terre. Et cet être humain vient déjà avec ses composantes, avec ses 7 systèmes déjà mis en place. Sauf que, par exemple, le cerveau, il est encore tout neuf, tout vibrant, il n'est pas encore complet. Mais tous ces organes-là sont composés des milliers et des milliards de tissus. Et tous ces tissus, dans leurs composantes, il y a également des cellules. Dans les tissus, il y a des cellules. Et ces cellules, il y en a des milliers. Et ces cellules, chaque fois, malheureusement, au fur et à mesure que nous vieillissons, ces cellules se détériorent ou meurent. Sauf dans certaines planètes, telles qu'à Vénus 4, nos frères qui vivent là-bas, ils ont un système de régénération. C'est-à-dire, après 1000 ans, les cellules se renouvellent et se régénèrent. Grâce par une procédure scientifique qu'ils ont découverte. Donc, ils s'injectent. Ils s'injectent certaines protéines naturelles qui n'ont pas été manipulées par quoi que ce soit. Au niveau des États-Unis également, nous avons, depuis près de 10 ans, nous avons à la portée du public uniquement américain, des protéines ou encore des injections qui peuvent vous permettre de renouveler vos cellules. Parce que les cellules, je vous le répète, meurent au fur et à mesure. Donc, je vous donne une mise en garde. Évitez de faire des abus de tout genre. Parce que c'est ce système-là que je viens de vous citer. Tiennent leur vitalité à partir des cellules. Et de quelles cellules forment des tissus? Et des tissus qui forment des organes. Les organes qui tiennent ensemble de muscles. Et lesquels muscles sont composés des tissus et des cellules et tout ça. Oh là là. Et me pardonner. Ben oui, on a été coupé, malheureusement. J'espère que on va... C'est dommage. Moi, on parle d'un enseignement aussi important comme ça. Bon, je m'en souviens, là, on s'est quand même arrêté. Donc, il a fallu vraiment que je passe par mille et une gymnastiques. Donc, disais-je que le corps physique, tel que nous l'avons défini, avec toutes les composantes et avec... tout ce qui est, comment on appelle, les différentes cellules du corps, parce que, je ne parlais pas des cellules, des systèmes, voyez-vous, c'est tous ces systèmes-là qui composent le corps physique dans son existentialité. Nous avons parlé donc des 7 systèmes, et lesquels systèmes sont composés des organes. Voyez-vous, par exemple, je vous ai parlé du cas de... on appelle ça le système de reproduction. On a parlé du système nerveux qui se trouve au niveau du cerveau. On a parlé du système respiratoire. On a parlé du système musculaire, du système squelettique et tout ça. Donc, tout ceci constitue le corps. Donc, le point où je voulais en venir, c'est quoi? Il faut connaître qui vous êtes avant de pouvoir vous lancer dans l'aventure, de commencer à former votre corps à mieux communiquer. Parce qu'il faut savoir où est située telle ou telle chose. Par exemple, dans beaucoup de milieux religieux, les gens ne savent même pas où se trouve notre âme. Les gens ne savent pas où se trouve le siège de notre âme. Mais ce soir, par exemple, je vais pouvoir vous faire découvrir exactement là où se trouve le siège de notre âme. Et c'est ainsi que désormais, à chaque fois quand on parlera de l'âme, vous saurez exactement où vous êtes situé. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui, sur la deuxième étape, je vous disais que comment et à quel moment donc notre corps commence à subir justement cette incapacité de fonctionnalité. Donc, il faut comprendre une chose, c'est que quand nous arrivons sur Terre, lorsque nous naissons, nous avons toutes les conditions réunies pour nous mettre à l'aise. Voyez-vous, nous avons toutes les conditions réunies, c'est-à-dire nous naissons d'un père et d'une mère et le père et la mère vont s'assurer qu'ils vont nous entourer de cet amour. Ils vont nous apporter donc de toute nourriture, que ce soit psychologique, que ce soit spirituel, que ce soit matériel. Donc, C'est leur rôle, c'est de pouvoir nous entourer de tous ces éléments nécessaires qui, justement, vont contribuer à booster notre corps, à le faire grandir en temps voulu et selon la volonté de Nzambakana. Donc, tous les systèmes de notre corps donc, vont de manière harmonieuse s'interconnecter, s'interdépendre et évoluer. Alors, dans le milieu où nous arrivons, à notre naissance, le père, la mère, jusqu'à un certain âge, s'occupent de notre évolution. Mais vous verrez que quand on atteint un certain âge, c'est-à-dire dès l'âge de 6 ans, on nous envoie où? Et nous savons là où on nous envoie. On nous envoie maintenant à l'école. On nous envoie donc dans les écoles qu'on appelle les écoles conventionnelles. Veuillez me pardonner parce que j'ai dû perdre au moins 20 minutes là de connexion. J'ai dû demander qu'on me prolonge mon temps avec vous. Et on va se retrouver dans une autre salle tout à l'heure. Donc, nous arrivons dans ce qu'on appelle la programmation. C'est-à-dire que la programmation commence à partir de votre âge de l'éveil, c'est-à-dire de l'âge de 6 ans, on vous envoie à l'école. Vous partez dans des écoles conventionnelles. Et quand vous allez dans ces écoles conventionnelles, on va vous donner un certain nombre de programmes qui n'ont rien à voir, pas nécessairement, avec votre milieu. Et dont même le père et la mère ne maîtrisent pas. On va vous apprendre pas mal de choses qui parfois sont bénéfiques et d'autres ne le sont pas du tout. Alors, nous rentrons donc dans le cadre de ce que j'appelais les programmations. Et ces programmations, donc, vont avoir pour objectif de nous faire accepter certaines réalités et certaines vérités qui ne sont pas nécessairement vérités selon notre entendement. Mais nous l'acceptons ainsi. Donc, nous grandissons dans ce milieu et nous évoluons. Et c'est ainsi que ces programmations-là vont commencer à modifier notre destin. Et cela va résulter de certaines croyances. Donc, quand on part à l'école, alors on est exposé à la religion. Soit nos parents sont des religieux fanatiques, ils vont nous imposer de rentrer également dans les religions à un certain âge. Alors, tout ça, ça fait partie de ce que j'appelais les programmations. Donc, toutes ces programmations, qui est un ensemble de programmes, va vous amener vers l'accumulation des connaissances ou d'un savoir qui parfois ne vous servira à rien pour le reste de votre vie. Mais c'est le chemin obligé. Donc, les programmations vont intégrer votre vie. Toutes ces programmations, c'est quoi? Ce sont les dogmes que vous recevez, les doctrines que vous recevez au sein des églises, les connaissances que vous allez recevoir au sein des écoles des Blancs, que j'appelle écoles conventionnelles. Je ne suis pas contre les écoles des Blancs, nous tous nous sommes passés par ça. Donc, tout cela va former ce qu'on appelle la programmation. Et cette programmation va empiéter notre libre arbitre. Et c'est très important. Souvenez-vous, au début de la création de l'homme, Nzambakana a donné à l'homme ce libre arbitre de décider de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Mais malheureusement, là, il y a un obstacle. Les programmations que nous recevons, sous couvert des dogmes et des doctrines contradictoires, parfois des doctrines même infantiles, qui, données par certaines sectes ou religions, qui vont vous embrigader donc, dans un système tel que vous n'êtes plus vous. Vous devenez la religion, vous devenez une autre personne. Donc, en un mot, on vous programme. Vous êtes désindividualisé. Vous êtes dépersonnalisé et de telle sorte que ça justifie ce que je viens de dire parce que c'est toutes ces programmations désormais qui conditionnent votre manière de vivre, qui conditionnent votre manière de s'habiller, de parler et ainsi de suite. Donc, cela va amener une cassure de votre personne. Voyez-vous, qu'est-ce que j'entends par cassure de votre personne? Vous n'êtes plus vous. Vous devenez quelqu'un robotique, si vous me permettez l'expression. Parce que vous n'êtes plus vous. Selon l'origine, quand vous êtes arrivé sur Terre, vous avez votre ADN à vous. Souvenez-vous au début de mes propos dans l'introduction. Vous avez vos traits à vous. Tous vos 7 systèmes de votre corps, depuis le système nerveux jusqu'au système respiratoire, au système de reproduction, au système musculaire, squelettique, tout ça, vous est identique. Et alors, Mzam Bakana vous a donné un moyen de vous identifier à vous par rapport aux autres. Chacun de nous est unique en soi. C'est ça là, l'empreinte digitale. Nous sommes près de 7 milliards d'habitants sur Terre, mais je vous jure, je n'ai pas besoin de jurer, c'est une vérité. Chacun de nous a son histoire à travers votre empreinte digitale. Vous imaginez? Donc, malheureusement, les programmations peuvent venir modifier votre personnalité, les programmations peuvent venir changer votre esprit. On vous embrigade dans un système, vous êtes complètement embrigadé, vous êtes esclave des croyances, donc vous ne vous reconnaissez même plus. Hein? Vous n'êtes plus vous, on vous apporte des connaissances selon des dogmes donnés, on vous impose certaines croyances qui sont interprétées selon un gourou ou bien je ne sais pas trop qui se passe pour un prophète qui va vous dire que désormais c'est ceci, j'ai eu un rêve, Dieu m'a parlé, ceci, cela. Bref, une fois de plus, je ne suis pas contre les religions. Ce sont des béquilles qui nous aident à accéder au monde des communs des mortels ou au monde des possibilités. Mais vous comprendrez que on vous fait vivre dans un monde qui est complètement à part. Vous êtes considéré comme un homme exceptionnel ou une femme exceptionnelle. Maintenant, ceux qui vivent dans le monde normal de la vie, du cours, qui suivent le cours normal de la vie, maintenant, vous, on vous demande de les appeler des mondains. Voyez-vous? On vous dit maintenant, « Oh non, toi, tu es un mondain parce que tu ne fais pas partie de notre cercle, parce que tu ne fais pas partie de notre religion ou quoi que ce soit. » Et je vous dis que cela va affecter votre vie totalement. Donc, souvenez-vous, je vous ai dit, le deuxième aspect, c'est le comment et quand commence le claquage ou le blocage de la communication, rendre possible ou impossible la communication entre vous et votre corps. Mais ça part de là. Voyez-vous, ça part dans ce système de programmation qu'on vous impose, des phénomènes, des choses qu'on va vous imposer, des croyances qui n'ont rien à voir avec votre origine. On va vous mettre dans certaines choses qui vont aliéner votre esprit. On vous fait croire certaines choses et finalement, vous finirez par vous greffer ou en d'autres termes, vous allez vous attacher à des dieux ou ce que j'ai toujours appelé à des égrégores dont vous ignorez même l'origine. Parfois, c'est des égrégores des blancs, donc des esprits énergétiques qui viennent d'autres sources. Mais vous, votre âme, ça greffe. C'est greffe à cela. Alors que vous, votre égrégore à vous, descend de votre ancêtre. Si votre père, si votre ancêtre commun, c'était un certain monsieur Nkombé Nyondo, Monsieur Nkombé Nyondo, le père de Monsieur Adjaenon, père de Monsieur Ogula, père de Onouvier, père de Adjaenon. Voyez-vous? Donc, ça, c'est là où se trouve votre lignée. Donc, c'est forcément là où doit se trouver votre Grégoire, dans le sens positif. Votre Grégoire, c'est cette énergie ou ce cordon ombilical qui vous lie à vos origines, à votre ancêtre. Mais quand vous êtes maintenant dans ce système d'embrigadage de la conscience, vous ne dépendez plus de vous. Donc, vous devenez une porte d'entrée sensible. Et quand vous devenez une porte d'entrée sensible de ces croyances étrangères ou de ces mecs qui vont vous amener des connaissances que vous ne maîtrisez pas, vous n'êtes plus vous. Ah oui, et c'est clair. Donc, vous devenez la porte d'entrée et la porte de sortie. Voilà le phénomène. Maintenant, quand on va parler un peu du blocage, je vais vous donner un exemple sur le problème de blocage. Parce que là, on a parlé le comment. Là, le comment, je vous l'ai expliqué. Vous avez les religions, vous avez les éducations que vous recevez à gauche, à droite, qui viennent complètement contrecarrer vos origines, comment vous avez commencé et tout ça. On vous décale, on vous dépigmente, on vous colonise, on vous dépersonnifie, on vous désindividualise, on vous désidentifie, on vous... Mais tous les mots sont là. Enfin, pardonnez-moi, mais c'est la triste réalité. Donc, la cassure, les blocages de tout genre qui vont finalement empêcher votre corps d'évoluer viennent d'où? Mais ça vient du fait, la difficulté de faire passer les messages. Si vous avez déjà toutes ces programmations qui sont en vous, maintenant on vous demande comme votre humble serviteur, je l'ai dit la dernière fois, je vous ai montré comment, par exemple, vous pouvez communiquer avec vos ancêtres. Maintenant, le fait que moi je dis ça, moi je vois certains couples, certains religieux qui disent maintenant, non, ça c'est diabolique. Mais pourquoi vous dites que c'est diabolique? Mais je n'en veux pas ces mecs-là, mais c'est parce que ça rentre dans le cadre de la programmation. La programmation, je le répète, ce sont des informations, une formation, une éducation, une inculcation, une dépersonnalisation, une désindividualisation de votre être par des gens qui ne sont pas les vôtres. Envoyez votre enfant à l'école des Blancs, vous verrez qu'il va être complètement différent. La manière de s'habiller, la manière de parler. Et encore aujourd'hui, on est exposé à la haute technologie. Moi, je ne suis pas contre la technologie. La preuve en est que vous pouvez me suivre grâce à ça. Je ne maîtrise pas l'informatique. Mon fils, malheureusement, il n'est pas là. Mais je me suis débrouillé quand même à pouvoir établir en ce que nous puissions communiquer. Rien, il n'y a aucun mal en cela. Mais malheureusement, la mauvaise usure, le mauvais usage, autant pour moi, va vous amener à des problèmes. Alors, où est-ce que le blocage commence? Ce qui va empêcher que les messages passent correctement. Ce qui va empêcher, qui va vous amener dans l'état que j'appelle la victimisation. Qu'est-ce que c'est une victimisation? Mais la victimisation, selon ça, c'est des termes. Je vous ai prévenu au départ qu'il y a des termes que je vais utiliser, que vous ne soyez pas choqués. Mais c'est des termes qui viennent de moi, de mes maîtres. Ils m'ont dit d'utiliser ça et je les utilise et je sais de quoi je parle. Donc, cette victimisation, c'est quoi? Les dogmes qu'on vous a imposés, les manipulations dont vous êtes victime, les manipulations politiques, philosophiques, religieuses, hein? Et même les manipulations au sein de votre foyer. On vous impose de marcher à une conduite. Le type devient dictateur. Voilà, c'est ça. C'est ça, justement. C'est là où nous assistons à ces blocages. Parce que, comme je le disais tantôt, vous êtes la porte d'entrée ou la porte de sortie. Mais maintenant, quand vous devenez une porte d'entrée, vous autorisez ce monsieur ou cette dame, ou qui que ce soit, ou votre société, je ne sais quoi, à pouvoir avoir accès à vous, mais vous ouvrez la porte. Et en ce moment, il va avoir quoi? Mais il va avoir un blocage. Il va avoir ce qu'on appelle la victimisation. Mais vous, cette victimisation, c'est vous-même. Vous êtes victime de vous-même. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est vous-même qui avez accepté d'être victime. Et à un moment donné, je ne vous donne pas le tort, parce que parfois le père et la mère se réunissent et disent « Non, on va vous imposer, c'est comme ça, c'est comme ça. Si tu ne vas pas à l'église, tu vas aller en enfer. » Donc, vous êtes victime d'un système, malheureusement, qui va vous empêcher votre corps de pouvoir communiquer correctement avec vous-même. Parce que ce qu'on vous impose n'a rien à voir avec vous, ce que vous êtes réellement. Parce que Nzamba, quand il vous a créé, je vous ai donné l'exemple d'empreinte digitale. Chacun de nous a une empreinte digitale identique à lui-même. Ça veut dire quoi? Nzamba, le Dieu suprême, lorsqu'il nous a créé à son image et chacun de nous à son étoile. Mais quand il y a des gens qui manipulent votre étoile, qui vous amènent à plusieurs pratiques, des programmations à gauche, à droite, mais c'est de là où, justement, il y a ce blocage qui intervient. Le blocage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre corps ne peut plus vous obéir aux normes normales. Je prends l'exemple typique. Faites le rite des ancêtres, on vous dira, non, c'est diabolique. Alors que votre cordon ombilical, votre cordon d'argent, votre lignée ancestrale, votre esprit à vous, ça ne vient pas des Romains, mon Dieu. Je parle du cas des églises chrétiennes, mais ça a été fondé par les Romains des Blancs. Okay? Je veux prendre encore un exemple, les religions des musulmans. C'est des Arabes qui sont très racistes. Pardonnez-moi, il y a des frères musulmans ici, ce n'est pas tous qui sont racistes, mais l'islam, c'est la violence, on nomme Allah Akbar, et puis on tue, on crie. Bon, vous êtes branché avec cet égrégore. Est-ce que c'est un rapport avec votre arrière-grand-père qu'on appelait Ndomba? Est-ce que c'est un rapport avec votre grand-père qu'on appelait Nzemba? Est-ce que c'est un rapport avec votre grand-père qu'on appelait Amburu Yobaro? Est-ce que c'est un rapport avec votre grand-père qu'on appelait Dimbuku Dibushu? Ça n'a rien à voir. Donc, vous comprenez de quoi je parle? C'est de là où il y a le blocage. Donc, vous êtes vous-même responsable de votre destruction. Voyez-vous? Et là, nous arrivons à d'autres phénomènes qui, malheureusement, ça va créer des traumatismes. Ça va créer des traumatismes en vous. Par exemple, on va vous imposer, par exemple, à certaines jeunes femmes devant le prêtre, le pasteur. Le pasteur va vous dire que non, maman, il faut ouvrir les jambes parce que le Saint-Esprit va descendre. Et moi, je n'invente rien, pardonnez-moi, vous pensez que je blague. Mais c'est des choses qu'on voit même sur les vidéos, sur YouTube. Le type va mettre les mains sur la jambe de la pauvre jeune fille. Elle accepte cela avec crainte, mais elle se sent forcée, mais elle va garder ce que nous appelons le PTSD en anglais. Post-traumatic stress. Vous comprenez, PTSD. It's going to be a post-traumatic stress for the whole life. Voyez-vous, c'est un traumatisme que la personne va porter. Donc, vous aurez des phénomènes de traumatisme. Lesquels traumatismes sont basés sur certaines choses qu'on vous impose, dont vous ne maîtrisez même pas, parce qu'on vous a dépersonnalisé, parce qu'on vous a désindividualisé. Et ensuite, il y a les croyances. Les croyances non fondées. On inculque à votre conscient des choses, on les enfouit et votre subconscient ne fait qu'enregistrer. Et ensuite, les croyances d'autres races qui n'ont rien à voir avec nos ancêtres, comme je le disais au début. Ensuite, les philosophies. On vous inculque certaines philosophies qui viennent je ne sais où, qui n'ont rien à voir avec nos réalités. Les écoles conventionnelles, comme je le disais tantôt, les écoles de blancs qui vont nous imposer certaines études. Au lieu qu'on vous apprenne l'histoire du Gabon, au lieu qu'on vous apprenne la géographie du Gabon, au lieu qu'on vous apprenne comment faire l'agriculture du Gabon, mais on vous envoie en Chine aller apprendre l'agriculture des Chinois. Mais amenez-moi ces Chinois au Gabon pour m'éduquer comment on peut transformer notre terre à nous en fait d'affaire une agriculture qui est conforme aux réalités et aux normes du Gabon par rapport à la terre du Gabon. Voilà comment ça doit se passer. Donc, voilà de quoi je parle, les écoles conventionnelles qui ne cadrent même pas avec nos réalités. Et enfin, vous m'avez sûrement entendu parler, j'ai utilisé toute cette expression. On va partir donc de ce que je disais au début, les programmations. Je vous ai parlé des programmations, je vous ai parlé des victimisations, et j'ai utilisé le terme aussi annihilation. Retenez bien ces mots-là, c'est très important dans l'évolution de notre débat, avant que vous me posiez des questions. Et enfin, quatrièmement, il y a ce qu'on appelle le somatisme. Qu'est-ce que c'est le somatisme? Vous avez sûrement entendu des gens dire que, monsieur, vous partez voir le docteur, j'ai mal ici, j'ai mal là. Le docteur dit, mais on a fait les examens, on ne trouve rien. On a fait des examens, on ne voit rien. Moi, je crois qu'en tant que docteur, je fais l'école de blanc, je ne trouve pas. Voilà maintenant votre oncle qui va vous dire, non. On va aller voir monsieur Chikaya. Monsieur Chikaya, c'est le grand ganga en chef, c'est le grand charlatan, c'est un grand maître, lui-là, il maîtrise les forces de la nature. Et quand vous allez voir monsieur Chikaya, il va profiter de votre état. Il va profiter de votre état. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, mais voilà, monsieur, mais vous êtes bloqué là, c'est à cause de votre oncle, monsieur Mouéret, qui est parti aux États-Unis depuis, il vous en veut. Et puis, vous allez faire le rapport, mais tiens, monsieur Mouéret, moi, on ne s'entend pas. Mais vous ignorez que si moi, je ne m'entends pas avec vous, c'est parce que vous n'avez jamais voulu m'écouter. Moi, je vous avais dit, il fallait aller à l'école, il faut faire ceci, vous ne voulez pas. Vous avez préféré faire la vie de bordelerie, aller faire les machins, des histoires de femmes à gauche, à droite, et toi, maintenant, tu ne réussis pas, tu vas voir l'onganga, monsieur Chikaya, qui vient te dire que non, c'est moi qui suis l'auteur de tes malheurs. Oubliez une chose, les programmations ont créé certaines choses sur le rapport sur le somatisme, parce que le somatisme, faut-il encore que je le rappelle, c'est quoi? C'est croire à certaines choses ou bien se laisser entraîner par certaines croyances. Lesquelles croyances que vous gardez dans votre tête? Ok? Vous les gardez en vous. C'est, vous vous autoprogrammez. Je prends un exemple personnel, si vous permettez. Il y a beaucoup de gens qui se tournent toujours vers les adjuvants. Moi, ce que j'appelle les adjuvants ici, c'est quoi? C'est tout ce qui vous aide à pouvoir être à mesure de. Par exemple, je vous parlerai de cas des hommes. Beaucoup d'hommes aujourd'hui, même au jeune âge, ils veulent utiliser le Viagra pour mieux bander, pour mieux satisfaire la femme. Mais savez-vous que cette affaire de Viagra ou des anabolisants, moi j'appelle ça des anabolisants, Satambuanda, les bois bandants, la cola avec la Guinness, je ne sais quoi, toutes ces histoires-là, savez-vous que ce n'est pas nécessaire pour votre organisme avant 90 ans? Je repose ma question. Savez-vous que ce n'est pas nécessaire avant l'âge de 90 ans? Je vais vous expliquer. Dans le Tai Chi, on nous apprend que le système circulatoire commence à diminuer ou commence à être dysfonctionnel à partir de l'âge de vers 80 ans, 75-80 ans. Vous constaterez que je parle d'un homme normal, qui ne fait pas du sport, qui ne médite pas, qui ne fout rien. Si ce n'est que manger, peut-être travailler dur. À partir de 75 ans. Mais pour nous qui faisons les arts martiaux, enfin le sport d'une manière générale, je fais la méditation depuis mon jeune âge, je fais les arts martiaux jusqu'à présent. Alors je vous parle, j'étais tout à l'heure, vous avez suivi ma vidéo sur Facebook, j'étais pendant 4 heures de temps en train de tirer les armes à feu, partant des mitraillettes jusqu'aux armes simples. Et je l'ai fait pendant 4 heures de temps. Donc les épaules même, ça me fait mal, je saute à gauche, à droite. Mais si je suis quelqu'un qui est très actif comme ça, c'est souvent à partir de 85, vers 80-85 ans, que le corps va commencer, dans certains systèmes, va commencer à faiblir. Et c'est là, si nécessité y est. Si nécessité y est, parce que là encore, voilà le somatisme. C'est là qu'il faut retenir le mot somatisme. Le somatisme, c'est quoi? L'état somatique veut dire que vous vous projetez vous-même dans votre tête que lorsque j'aurai tel âge, je crois que les nanas ne vont plus me sourire. Lorsque je vais atteindre tel âge, je crois que petit papa ne va plus fonctionner. C'est-à-dire que je ne serai plus capable sexuellement de satisfaire ma femme. Vous vous auto-détruisez comme ça. C'est ce que j'appelais l'autodestruction. Et c'est ça. En psychologie, nous appelons ça les somatismes. Donc, l'état psychosomatique. Alors, je suis allé voir mon médecin. Ça, c'est un exemple typique. Hein? Je suis authentique avec vous. Je vais voir mon médecin normalement deux fois par an, tous les 6 mois. Donc, généralement, je vérifie ma prostate, hein, parce que j'ai plus la cinquantaine. Et ici, aux États-Unis, il est recommandé, dans tout pays du monde, hein, qu'à partir de 40 ans, il faut commencer à vérifier votre prostate. Deux raisons peuvent contribuer à l'élargissement de votre prostate. Soit le manque d'activité sexuelle, donc vous ne faites pas l'amour du tout, ça peut élargir votre prostate par manque d'activité. Et ensuite, l'abus d'activité sexuelle, quand vous avez trop le sexe, quand vous faites trop le sexe, en un mot, j'utilise le mot approprié, pardonnez-moi, nous sommes des adultes. Quand vous faites l'amour, vous ne pouvez pas avoir le problème de prostate, mais quand vous baisez trop, donc faire l'amour avec ignorance et avec brutalité, avec animalité et bestialité, ça vous amènera à la prostate. Donc voilà pourquoi, tous les 6 mois, allez-y voir un médecin. Généralement, la prostate, c'est même une fois par an. On va vous vérifier deux choses. Au niveau de votre rectus, donc le médecin va introduire le doigt pour mesurer à quel niveau votre prostate s'est élargie. Ça, c'est le premier niveau. Et à ce niveau-là, si l'élargissement n'est pas trop important, s'il y a élargissement, il veut maintenant découvrir si votre prostate a atteint l'état cancérigène. Donc, on va vous faire l'examen du cancer de la prostate. Et ça ne se fait pas avec le doigt, je le répète. Le doigt, c'est juste mesurer l'élargissement de votre prostate. Mais par contre, pour pouvoir examiner si votre prostate est devenue cancérigène, est devenue un cancer, on va vous prélever votre sang. Et quand on prélève le sang, ils vont examiner. Donc voilà, ça, tout homme normal doit le faire une fois par an. Donc moi, je le fais une fois par an, mais deux fois par an, je fais mes examens régulièrement parce que à mon âge, je me bats encore, je fais des combats d'arts martiaux, donc parfois, je peux avoir des problèmes cardiaques, on ne sait jamais. En un mot, on m'appelle celui qui surpasse. Et à un certain âge, il faut éviter de trop se surpasser. Je continue à faire la compétition, à faire 200 pompes, 300 pompes chaque matin, comme si j'allais à l'armée, je ne sais pas trop où. Je suis trop... comment on appelle ça? Addicted in English, je cherche le mot en français. Je veux dire que c'est comme si c'est vraiment devenu une drogue pour moi. Donc, voilà pourquoi tous les 6 mois, je vais voir mon médecin. Et quand je suis allé voir le médecin, il me dit, vous savez que tout homme à l'âge de 40 ans hein, a des baisses sexuelles. Enfin, on raconte, on est homme. Et à ce temps-là, j'avais 41 ans. Je n'oublierai jamais cet exemple. Et je lui ai dit merci pour l'information, hein, mais moi, je n'y crois pas à cela. Je ne crois pas que nécessairement à l'âge de 41 ans, ma sexualité va baisser parce que je crois qu'il y a 3 éléments très importants. Si vous surveillez votre régime alimentaire, si vous vous reposez suffisamment, si vous faites des exercices physiques, spirituels et autres, je crois que cela ne devait pas avoir un problème. Alors, le médecin me dit, oui, je lui dis oui, moi, je n'ai pas besoin de tout ça. Il dit, mais que dites-vous du Viagra? J'ai dit, mais mon Dieu, je n'ai que 41 ans. J'ai besoin du Viagra pour faire quoi? Je fonctionne encore bien, je n'ai pas de problème. Bref. Et je lui ai dit que j'aurais besoin de Viagra que quand j'aurai 85 ans. Et puis, pas avant. Enfin, on s'est mis à rigoler. Voyez-vous, cet exemple que je vous dis, quand j'ai dit au médecin que j'aurais besoin de Viagra, c'est à l'âge de 85 ans. Vous savez-vous ce que j'ai créé dans mon cerveau? Savez-vous ce que j'ai créé dans ma tête? J'ai créé un état psychosomatique. Donc, le somatisme, c'est ça. C'est justement ces idées-là que vous créez vous-même. Et ça amène également au blocage. Ça amène au blocage. Ça va vous amener à vous empêcher de pouvoir mieux fonctionner dans votre vie. Vous comprenez? Et je reviens encore à mon slogan, que vous êtes la porte d'entrée et vous êtes la porte de sortie. Vous êtes vous-même cette porte d'entrée qui entraîne le blocage de votre corps de fonctionner de manière harmonieuse. Voyez-vous? Donc, ces histoires de Viagra, ces histoires de Satambwanda, de comprimés, vous n'avez même pas encore 80 ans. Vous cherchez quoi avec ça? Je vous avais dit dans plusieurs vidéos que entre l'âge de 50 jusqu'à 75 ans, vous pouvez toujours bander très fort. Et je sais de quoi je parle. Il suffit de surveiller votre alimentation. Bon, maintenant, si vous ne savez pas ce qu'il faut manger, je vous ai dit, contactez-moi en privé. Je ne suis pas un gynécologue. Mais je vous ai dit, je suis une ganga. Et je n'ai pas mangé le bois sacré. Hein. J'étais une ganga avant de manger le bois sacré. Ganga veut dire connaisseur de la plante. Même ici aux États-Unis, il y a des herbes, il y a ceci, il y a certains aliments, certains poissons ou certaines viandes, quand vous les consommez, vous allez bander fort le machin la soirée et maman va être contente. Vous n'avez pas besoin de Viagra. Parce que plus vous prenez le Viagra, revenons sur le terme que j'ai utilisé au début, annihilation. Tout élément chimique, tout comprimé, tout ce que vous allez consommer afin de vous aider à réaliser une performance ou à réaliser quelque chose, va entraîner l'annihilation de votre volonté. En d'autres termes, votre volonté fonctionne sur deux règles fondamentales. Je veux et ça marche. Je veux, mais je ne peux pas. Et dès lors que vous dites je ne peux pas, vous faites un blocage. Et quand vous dites je ne peux pas, vous faites recours à quelque chose d'extérieur à vous. C'est ce qu'on appelle annihiler. Annihiler veut dire annuler l'effet escompté par l'apport d'une substance ou d'un adjuvant, donc d'un élément extérieur qui va vous aider à pouvoir mieux fonctionner. Nous avons Prevagen pour le cerveau. Prevagen pour le cerveau, les gens qui ont dit, oh non, moi là, mon cerveau ne marche pas bien. Mais ça ne marche pas bien. Il faut d'abord aller examiner un neurologue. Il faut aller examiner un médecin généraliste. Si ça ne marche pas, ce n'est pas forcément les neurones qui ont pété. Le neurone ne peut être pas n'importe comment. Donc, il faut d'abord examiner. Mais j'ai vu des gens se précipiter à consommer Prevagen. Pour votre information, Prevagen, c'est un comprimé fabriqué par les Américains, très puissant, lequel comprimé, au bout de 3 mois, votre cerveau devient plus jeune, comme un jeune homme de 18 ans, vous mémorisez tout, vous pouvez lire des milliers de livres, vous retenez toutes les informations. Mais à la lumière de la vitesse, quand vous faites fonctionner votre cerveau comme ça, vous le faites fonctionner vite, vite, vite, vite, vite, eh bien, imaginez-vous, vous avez créé ce qu'on appelle l'annihilation. C'est-à-dire que votre cerveau ne peut plus produire les éléments chimiques naturels qui dépendent de votre volonté, laquelle volonté est créée chimiquement par votre système nerveux, donc depuis le cerveau, qui décharge les électrons en fonction de nutriments. Donc là, je vous amène dans le système dans le système neuro-végétarien. Donc, les nutriments que nous consommons contribuent à un bon fonctionnement de tout le corps. Mais maintenant, si vous altérez, vous obstruez, vous annihilez, donc vous annulez tout le grand travail que le cerveau doit faire, le système nerveux, sur tous vos organes, moindre petit mal de tête, donnez-moi aspirine. Le petit papa ne fonctionne pas bien. Des fois, c'est vous qui êtes fatigué parce que vous avez tout travaillé, vous n'êtes pas bien reposé, mais laissez le truc tranquille. Hein? Mais non, vous allez prendre Viagra. Vous allez prendre ceci. Donc, et si vous êtes encore jeune, vous dépendez de tous ces éléments que j'appelle les adjuvants, ça va donc créer un blocage physiologique, biologique. À la longue, votre corps ne peut plus obéir à vos commandes. Je crois qu'on se comprend. Donc, je le répète encore que nous sommes la porte d'entrée et la porte de sortie. Alors, à quel donc moment, là nous allons maintenant passer au retour de la source, le cerveau. C'est très important cet enseignement ce soir. Et je vais vous montrer un chemin que moi-même j'ai créé pour mieux vous faire comprendre et vous montrer comment notre cerveau fonctionne. Parce que dès lors que vous allez connaître vraiment qu'est-ce que c'est le cerveau, je vous en prie, vous serez capable d'opérer des miracles. Mais il y a certaines questions que nous devrions répondre ensemble. À quel moment notre corps perd tout contact avec nous-mêmes? À quel moment donc notre conscient perd contrôle du reste de notre corps? Sommes-nous amnésiques? Vous avez entendu l'expression. Sommes-nous amnésiques? Est-ce que c'est par phénomène d'annihilation ou par phénomène annihilatoire? Est-ce que c'est par phénomène annihilatoire? Ou bien nous sommes coupés de la réalité? Ça, c'est autant de questions qui vont nous aider à comprendre le phénomène des maladies imaginaires. les maladies incurables. Et même les AVC et d'autres déconnexions entre notre conscient et le système de notre corps. Vous comprenez? Je vous l'ai dit, les programmations, les croyances, les doctrines, les philosophies des machins, les mécanismes intellectuels, le fait de laisser la volonté de notre corps fonctionner proprement en faisant appel à des adjuvants ou des drogues. Vous comprenez? Les drogues de tout genre, les comprimés, de tout, voilà, je vous ai donné l'exemple de Viagra. Toutes ces histoires-là, ça entraîne une annihilation de votre fonctionnalité. Donc le cerveau ne peut plus envoyer les messages. Voyez-vous? Il y a dans le cerveau. Bien, parlons maintenant. Allons-y tout droit. Je vais vous montrer mon petit travail que je fais. Voilà le cerveau. C'est un travail que je fais hier dans la nuit. Donc, voici mes petites recherches. Voici le cerveau. Tout ce que vous voyez en rouge, ce sont des lobes. Dans le cerveau, il y a ce qu'on appelle des lobes. Il y a le lobe frontal, il y a le lobe temporel, il y a le lobe occipital, hein, tout machin. Et au-dessus, tout autour du cerveau, entre le cerveau et la boîte crânienne, là, il y a quelque chose qu'on appelle le cortex. Bon, je ne viens pas vous enseigner, vous savez que ce que je dis est vrai, vous pouvez le vérifier dans la science. Donc, le cortex, c'est quoi? C'est l'écorce cérébrale qui n'est autre que la couche supérieure. Voyez-vous, cette couche supérieure tout autour du cerveau, cette couche supérieure-là, donc, dirais-je, qu'on appelle le néopallium, qui atteint en fait son développement avec le temps. Quand on devient adulte, ça atteint une certaine taille qui ne peut plus changer. Mais quand on est bébé, c'est petit. Voyez-vous? Donc, l'écorce cérébrale, le cortex. Voilà le cortex, c'est autour. Maintenant, autour de ça, ça c'est très important, suivez ce que je veux vous dire. Nous avons d'un côté, en haut, donc ici, vous avez entendu parler de l'expression qu'on appelle la glande pinéale. La glande pinéale, donc, se trouve à ce niveau-ci, entre l'air motrice, l'air psychomotrice, l'air sensoriel et l'air psychosensoriel. Mais qu'est-ce que sont ces airs-là? Je crois que je l'ai expliqué dans une autre vidéo, mais je vais vous le répéter. Donc, la glande pinéale est située à ce niveau-là, au niveau des aires motrices. Qu'est-ce que c'est l'air motrice? L'air motrice, son rôle, comme le mot « le motrice » vient du mot « moteur ». Cette aire motrice, c'est ça, au niveau de l'hypothalamus, qui est le centre d'enregistrement des sensations du corps. Donc, l'hypothalamus enregistre toutes les demandes et balance toutes les commandes. Sous couvert de l'air motrice, par exemple, si vous voulez bouger votre pied, ben, ça passe par l'air motrice. L'air motrice commande les mouvements. Et il y a une autre aire qu'on appelle l'aire sensorielle. Ça, ça a un rapport avec les sens du corps. Voyez-vous? Mais ce qui nous intéresse ici, au niveau de la constitution de votre cerveau, ça, c'est le système nerveux. Tout se passe, tout se passe au niveau d'ici. Je parle bien dans tous les sept, sur tous les sept systèmes. Voici le système le plus important qui donne les commandes au reste du corps, parce que l'électricité provient d'ici. Donc, au-dessus, je disais, il y a ce qu'on appelle la glande pinéale, qui est juste ici. Mais de cette glande pinéale, vous verrez qu'il y a quatre couches. Une, deux, trois, quatre. Il y a une qui est en jaune, que j'ai peinte en jaune, là. Pardonnez-moi, je vais me rapprocher à la machine. Ce que vous voyez en jaune ici, ça, c'est l'aire motrice. Mais allez-y là-bas, plutôt à droite, ça, c'est le côté droit. Allez-y maintenant du côté extrême gauche. Il y a quelque chose qui est peint en vert. Et ce même quelque chose en vert, ici, au centre. Bien. Pourquoi le vert? Le vert, ici, c'est ça l'hypothalamus. L'hypothalamus se trouve presque au centre de notre cerveau. Et tout juste en dessous de la troisième ventricule. Alors, vous allez découvrir là où se trouve donc le siège de notre âme, chers amis. C'est très important. Le siège de notre âme se trouve dans une petite ventricule qui est presque invisible à l'œil nu, qu'on ne peut même pas voir. Très caché quelque part, qu'on appelle l'épiphyse. L'épiphyse, c'est quoi? L'épiphyse, c'est le siège des facultés de perception extrasensorielles. C'est là où même certains animaux, chez eux, c'est très développé, ce qu'on appelle le sixième sens chez les animaux. Voyez-vous, ce qu'on appelle chez l'homme le troisième œil. Mais ce troisième œil est où? Mais c'est là, non? Entre les deux yeux. Mais c'est exactement là où se trouve le centre de votre cerveau. Mais le centre de votre cerveau, là, se trouve ce qu'on appelle l'épiphyse. Mais cette épiphyse, allez-y me le défier, allez-y parler à un médecin, un spécialiste, un neurologiste, ou un, qui que ce soit. Cette épiphyse-là, ils vont vous dire que c'est là où se trouvent tous les grands mystères de la vie. Mais nous qui sommes initiés, on nous dit que c'est là le siège de notre âme. L'épiphyse, c'est le siège de notre âme. Et vous verrez que cette épiphyse, juste en dessous de la troisième ventricule du cerveau, qui sont toujours au centre, il y a l'hypothalamus. Donc l'hypothalamus qui est au centre, qui contrôle l'air motrice, l'air extramotrice, l'air extrasensoriel. Et l'air sensoriel que je vais vous expliquer, ou l'air extrasensoriel, contrôle tout par le centre de la vue, par la protubérance, et descend vers la moelle épinière pour descendre vers le coccyx. Ça nous amène donc quoi? La glande pinéale est au-dessus du cerveau et on descend vers la base du coccyx. La base du coccyx. Mais qu'est-ce qui soutient la base du coccyx et le cerveau? C'est la colonne vertébrale. Voilà pourquoi dans le yoga, on nous dit qu'il y en a 7 centres énergétiques. Veuillez me permettre donc de vous rappeler rapidement ces sept centres énergétiques. Il y en a 7. Les 7 commencent par où? Le premier chakra donc est situé juste à la base, ici, au coccyx, au niveau de votre colonne vertébrale. Ensuite, vous avez un deuxième chakra, il se trouve juste en dessous de votre nombril. Et un peu plus haut, au-dessus de votre nombril, vous avez ce qu'on appelle le plexus. Ensuite, vers le cœur, nous avons le quatrième, disais-je, le plexus, sous le cœur. Ensuite, le cinquième, ça s'appelle le chakra cardiaque. Ça se trouve au niveau du cœur. Ça, c'est également un centre d'énergie. Et le sixième se trouve au niveau de la gorge. Oh, pardonnez-moi. Et le sixième se trouve au niveau de la gorge. Bon, tout ce que je vous dis, malheureusement, ce n'est pas reproduit ici. Là, je parle de manière générale quand il s'agit de comprendre un peu depuis la glande pinéale jusqu'à la moelle épinière à la base qui nous amène vers, ce n'est pas un livre, hein, c'est mon cahier de science là, hein, que je décris. Donc, les 7 chakras, donc, le dernier chakra, le cinquième, je disais quoi là, le sixième, autant pour moi. Le sixième se trouve au niveau de la gorge et le septième se trouve au niveau de l'épiphyse, donc ici. Mais l'épiphyse, c'est quoi? C'est l'éveil de la conscience. L'épiphyse, c'est quoi? C'est le siège de notre âme. Mais cette épiphyse, vous verrez que c'est en connexion avec l'air psychosensoriel. Je remontre ça de près. L'air, je le répète, l'air psychosensoriel, c'est ce que vous voyez ici, là. Tout vert, là. Mais c'est cet air psychosensoriel qui est en connexion avec le subconscient. Le même en connexion avec l'hypothalamus. Lequel hypothalamus est le centre d'enregistrement des sensations de votre corps et est transmetteur des électricités et tout le reste. Et qui est en connexion avec la troisième ventricule qui est liée avec l'épiphyse. Laquelle épiphyse est le siège de notre âme, notre esprit. Et quel esprit peut prendre le contrôle du reste de notre corps. Donc tout le grand mystère se passe au niveau de cette zone-là, tout ce qui est en vert là. Voyez-vous, tout ce qui est en vert. Et au niveau, donc, disais-je, de l'air psychosensoriel, pourquoi on dit psychosensoriel? Mais parce que ça vous amène avec l'extérieur, psychique. Donc là, on parle de pouvoir surnaturel. Donc, c'est, vous voyez le vert? C'est représenter cette coupe-là, tout ce qui est vert là. Et vers la sortie ici, la sortie là, c'est du côté gauche, le cerveau gauche. Voilà pourquoi quand quelqu'un a une AVC accélérée, aggravée, avec écoulement de sang du côté gauche, cette personne a seulement 5% de chances de survie. Parce que, qu'est-ce qui se passe? L'hypothalamus est atteint. Le transmetteur d'électricité avec un zambakana, donc le subconscient extérieur de votre subconscient à vous, en passant par l'air psycho, sensoriel, cet air psychosensoriel rentre en connexion avec les dieux. Voilà pourquoi quand vous fermez les yeux, vous méditez, mais en réalité, tout se passe au niveau d'où? On nous dit que tout se passe au niveau du cerveau. Vous pouvez parler, mais la parole, le verbe, ça sort d'où? Voyez-vous? Donc, il y a 3 éléments que vous devez contrôler dans votre vie. Vous devez contrôler le cerveau dans son entièreté. Vous devez contrôler votre langue. Premier organe, le cerveau. Deuxième organe, la langue. Et troisième organe, votre sexe. Voici les 3 organes qui travaillent de manière ondulatoire et complète pour pouvoir communier avec les génies et les dieux. Voilà pourquoi même pour devenir prêtre, on vous demande d'être un homme très fort. Il faut être capable d'être bandant. Pas pour aller coucher les petits ou faire quoi que ce soit, mais c'est pour prouver qu'il y a l'énergie en vous. Pardonnez-moi. Donc, c'est à ce niveau, je disais, l'AVC, quand quelqu'un a l'AVC, côté gauche, voilà, voilà ce qui se passe. Ça veut dire que son épiphyse, qui est l'âme, n'est plus équilibré. Il n'est plus équilibré, donc il n'y a plus de passage d'électricité. L'hypothalamus, qui est le centre de sensation, ne peut plus communiquer avec le reste du corps. C'est pour cela que vous verrez que tous ceux qui ont eu des AVC, s'ils ont survécu, ils deviennent paralégiques. Ils deviennent paralysés d'un côté. On appelle ça la paralysie unilatérale. Donc, le côté gauche est complètement paralysé. Donc, le bras ne peut plus bouger, le pied ne peut plus bouger. Cette personne-là reste là. Elle peut vivre sous assistance médicale. Et je sais de quoi je parle, c'est parce que ça faisait partie de mes premiers boulots. J'assistais quelqu'un comme ça. Parce qu'il a eu une AVC. On appelle ça ici stroke. Donc, c'est juste un petit détail informel. Hein? Si vous connaissez des gens qui ont souffert des AVC aggravés, c'est ça. Le phénomène se passe au niveau d'ici. Donc, retenez bien que tout ce qui est en vert là, c'est ça qui vous lie avec l'âme universelle Nzambakana. C'est ça qui vous lie avec les dieux. C'est ça qui vous lie avec les ancêtres quand vous priez, tout ça. Ça passe au niveau de cette aire. Maintenant, l'autre aire, je vous ai dit, ça c'est l'aire motrice qui se trouve du côté droit. Et comme vous le savez, le cerveau est divisé à deux hémisphères. Il y a l'hémisphère gauche qui contrôle les émotions, les sentiments, l'esprit et tout ça, qui nous permet d'être en communion avec le subconscient, avec les dieux. Et ensuite, vous avez le côté droit, qui est le côté mécanique, motrice, mouvement, hein, mathématique, tout ça, logique. Et nous, les hommes, on est beaucoup plus forts du côté du cerveau droit. Et les femmes sont beaucoup plus fortes du côté du cerveau gauche, parce que le cerveau gauche, comme je vous l'ai dit, il est en connexion avec la troisième ventricule où se trouve l'épiphyse. Or, l'épiphyse, je vous ai dit, c'est votre âme. Et toute personne qui est spirituelle, généralement, les femmes, les animaux, c'est l'épiphyse. L'épiphyse fonctionne très fort avec les animaux. Ils sont capables de sentir le danger. Ils sont capables en vous regardant seulement. Et c'est la même chose avec nos mamans, nos femmes. Le troisième œil de la femme, c'est là. Ça se passe au niveau d'ici. Voyez-vous? Donc, le système nerveux, ou encore cet organe qu'on appelle le cerveau dans son ensemble, au-dessus duquel il y a ce qu'on appelle le cortex, voyez-vous, qui caché dans la boîte crânienne, voici tout ce grand phénomène de la vie. Et c'est là où se passe tout. Quand quelqu'un, je le répète, est atteint d'AVC, voilà, c'est ça qui est atteint, l'air psychosensoriel. Parce que il n'y a plus l'hypothalamus qui est le centre des sensations, ne peut plus faire son travail de transmettre les messages au reste du corps. Alors, je vous remercie de pouvoir vous concentrer sur ce, parce qu'il était très important que je vous en parle de cela. Bon, maintenant, vous avez compris le problème du cerveau, que pour communiquer avec le reste du corps, pour qu'il y ait une communication efficiente et normale, il faut connaître votre corps. Et surtout, le système nerveux, c'est très, très, très important. Vous allez suivre la vidéo, c'est un enseignement passionnant. Si vous voulez, écoutez, je peux revenir sur cette affaire du cerveau. Je maîtrise très bien ce domaine parce que je travaille dans un... comment on appelle ça, je suis psychothérapeute et ensuite je travaille avec des docteurs, je fais psychiatrie. Donc je m'occupe des fous, des gens qui sont fous, des gens qui ont des problèmes de comportement bizarres. Je suis diplômé en psychologie du comportement et du redressement et des changements selon les environnements, les influences et tout ça là. Et là je suis en train d'étudier également, là j'étudie maintenant ce qu'on appelle la psychologie politique, donc la psychologie des hommes politiques qui changent les comportements et n'importe quoi. Bref, pardonnez-moi. Maintenant, nous avons vu toutes ces raisons fondamentales, ce qui crée les blocages, ce qui crée quand et comment, n'est-ce pas, notre cerveau ne peut plus bien fonctionner, et ce qui crée l'autodestruction de notre corps, qui empêche que notre corps ne peut plus bien communiquer, parce que l'engin principal qui permet la bonne communication, c'est ici le système nerveux. Or, le système nerveux est aux commandes de tous les autres systèmes. Système musculaire, il y a des impulsions. C'est-à-dire des messages impulsifs, ça qui passe par ce qu'on appelle des transmetteurs neuroniques. Les transmetteurs neuroniques, c'est qui? Ce sont des pigments ferrugineux qui passent sous couvert des neurones. Or, les neurones au niveau du cerveau, ce sont eux qui transmettent l'électricité. Et pour quelqu'un qui atteint de l'AVC, ces neurones ne peuvent plus. Pourquoi? Ne peuvent plus. Pourquoi? Parce que l'hypothalamus, et comme vous l'avez découvert ce soir, l'hypothalamus, qui est le centre d'enregistrement des sensations, n'est plus capable de transmettre son électricité sous couvert de neurones vers le reste du corps. Car au niveau de son nerf psychosensoriel, il y a une coupure. Et il devient donc amnésique, il devient donc insensible, il devient donc incompris et il ne peut plus bien parler, il ne peut plus faire usage de son verbe ni usage de sa pensée. Il devient un peu comme un maboule, donc il devient une personne assistée. Et maintenant, s'il le subit ou si elle subit des soins intenses, alors la personne aura ce qu'on appelle une paralysie unilatérale, transversale, donc seulement un côté qui fonctionne. Donc, pour le cas de ceux qui ont eu des AVC du côté gauche, je sais de quoi je parle, s'il vous plaît. Je ne veux pas être en larmes. C'est ça qui a amené mon père. Mon père a quitté ce monde. Pardonnez-moi. Oh, Seigneur. Oui, donc... Mon père était parti de cette sorte. Il avait cette paralysie. Donc, un côté ne fonctionne plus. Alors, je vais vous amener donc aux exercices de prise. Je vais vous amener donc aux différents exercices. Pardonnez-moi. Vous comprenez ma passion dans ce que je fais. Bien, nous allons passer donc aux exercices pour permettre notre corps, n'est-ce pas? On permet notre corps de mieux se communiquer. Premier exercice, ça s'appelle l'exercice de prise de conscience. Ces exercices de prise de conscience, c'est ce que nous appelons exercice de conscientisation de soi. Donc, qu'est-ce que c'est l'exercice de conscientisation de soi? C'est que, par exemple, quand je bois l'eau, je suis conscient, je dois conscientiser pendant que je bois l'eau, je visualise l'eau qui rentre dans mon corps et je vois les bienfaits de cette eau. Donc, conscientisation de soi. Il faut faire les exercices de conscientisation de soi. Quand vous mangez, vous devez vous mettre dans cet état que cet aliment que je mange, il rentre dans mon corps, il aura tel effet pour mon corps. Et ensuite, il faut faire l'exercice de méditation. C'est très, très important. Parce que quand on fait l'exercice de méditation, ça élargit et ça permet la connexion entre votre épiphyse. N'oubliez pas cela, hein, quand vous allez revoir le schéma. Entre l'épiphyse, qui est le siège de votre âme, et la partie au-dessus de la troisième ventricule du cerveau, donc du centre. Parce que l'épiphyse se trouve ici, au niveau du centre, qui vous amènera donc du côté gauche de votre cerveau avec... l'autre ventricule, un tout petit organe qu'on appelle l'air psychosensoriel. Et c'est cet air psychosensoriel qui nous permet, à travers l'hypothalamus, de se connecter avec le conscient et le subconscient, donc avec les dieux. Donc, la méditation est très indispensable. Et ensuite, il faut donc passer par une méditation simple d'abord. Hein. Je ne parle pas de méditation complexe. Il faut faire ce qu'on appelle la méditation simple, qui n'est autre que l'ouverture de votre esprit. Vous ouvrez votre esprit dans un état tout à fait neutre. Vous observez tout, vous regardez sans pourtant critiquer. Et ensuite, vous avez la méditation qu'on appelle la méditation contemplative. Cette méditation, c'est une méditation de l'éveil de votre conscience. Vous contemplez, vous regardez simplement. Et il y a enfin ce que moi j'appelle la méditation en trois dimensions ou en 3D, qui n'est autre que la méditation transcendantale. Et c'est celle-là que votre serviteur pratique depuis 1978, qu'on appelle le pranayama yoga. Et donc, ça nous amène dans le yoga. Et vous verrez qu'il y a une ressemblance entre le yoga et la méditation. Donc, dans le yoga, je vous recommande également de pratiquer les différents yogas. Il y a le premier yoga qu'on appelle généralement hatha yoga. Donc, le hatha yoga, dans le hatha yoga, vous avez les asanas qui sont des positions, vous avez les mudras qui sont des gestes à faire. Et vous avez un autre yoga qu'on appelle Asiya Yoga. Asiya Yoga, c'est le yoga du rire. Et je suis certifié pour ça. J'ai même des contrats avec certaines sociétés où je vais créer des ambiances de positivisme. C'est-à-dire la production au niveau des sociétés parfois baisse du manque d'une ambiance positive. Donc il faut faire rire les mecs. Et donc je pratique le yoga du rire. On appelle ça Asiya Yoga. Et ce Asiya Yoga consiste donc à rire. Quand vous riez, vous contractez les muscles du ventre. Et quand vous contractez les muscles du ventre, ça relâche la tension au niveau de votre cerveau, au niveau du cou et tout ça. Et ça vous crée la joie. Ensuite, il y a un autre yoga. C'est le Tantra Yoga. C'est le yoga de l'énergie sexuelle. Ensuite, vous avez le Kamasutra Yoga, le yoga qui est basé sur 1500 positions sexuelles, lesquelles positions consistent pour vous à vous prévenir ou à vous aider à éviter de tomber malade. Ensuite, vous avez le Bhakti Yoga. C'est un yoga de contemplation également, yoga de l'amour divin, yoga de la prière pour ceux qui sont chrétiens, donc beaucoup prier. Ensuite, il y a le Jnana Yoga, le yoga de la connaissance. Ensuite, vous avez pas mal de yoga. Donc, il faut aimer les lois de Dieu. Ça rejoint un peu la logique chrétienne ou musulmane. Aimer les lois de Dieu, aimer les commandements de Dieu, aimer son prochain comme soi-même. Et ensuite, il faut vous initier. Il faut vous initier. Parce que quand vous vous initiez, vous apprendrez à vous connaître. Quand vous allez vous initier, vous allez ouvrir vos chakras. Même en pratiquant le yoga, comme je le disais tantôt, quand vous pratiquez le yoga, il y a une ouverture des chakras, naturellement, les 7 chakras. Hein? Donc, les chakras qui commencent toujours par la base, depuis le coccyx, dessous du nombril, au niveau du plexus, kilomètre cardiaque, de la gorge, et au niveau de la troisième ventricule ou encore au niveau de l'épiphyse, qui est le centre de notre âme qui se communique, qui se connecte avec le subconscient ou avec tout l'univers et le Dieu suprême. Donc, également, ce n'est pas tout, la liste elle est longue. En dehors donc de l'initiation de Chenou, vous devez choisir quel genre d'initiation qui peut vous aider à ouvrir vos chakras, donc à ouvrir les centres énergétiques de votre corps. Parce que, souvenez-vous, les blocages, les annihilations, les somatismes, les manipulations, les programmations, hein, tous ces termes-là, vous les dites seulement que tout ça, ça contribue à étouffer votre corps de mieux communiquer avec vous. Et dès lors que votre corps est complètement étouffé, bloqué à cause de tous ces phénomènes que je viens de citer en liste, il vous faut donc faire la pratique de tout ce que je vous donne ici. Ces exercices-là, les exercices de prise de conscience, les exercices de yoga. Bon, si vous ne pratiquez pas le yoga, bon, ne vous tracassez pas pour ça. Faites plutôt la méditation. Faites plutôt les initiations. Initiez-vous au witi. Hein, c'est vrai que l'ouverture des chakras va se faire de manière brutale, mais il faut avoir un bon maître. Et également, je conseille de pratiquer les arts martiaux. Il faut pratiquer les arts martiaux qui vous donnent l'esprit de confiance en soi, qui vous permet d'éliminer la peur. Et vous avez donc le karaté-do que je vous recommande. Je parle du karaté-do, je ne parle pas du karaté là où on s'amuse comme des enfants, se battre, faire semblant. Non, karaté-do, donc l'esprit du vrai karaté pur. Ensuite, je vous recommande le tai-chi. Je vous recommande le kwan-ki-do, qui est un art martial vietnamien. Et également, je vous recommande l'art du sabre, le samouraï. Voyez-vous. Donc ça, c'est les genres d'arts martiaux que moi-même je pratique, que je vous recommande parce que je sais que ça marche, ça nous aide beaucoup. Et ensuite, l'alimentation. Il faut toujours, tout ce que vous consommez, faites tout le possible que... Oui, le Didi-Tou aussi est bon, le Viet Vo Dao. Faites tout le possible que tout ce que vous consommez... vous devez consommer, bon, je ne vous impose pas d'être comme végétarien comme moi, hein, s'il vous plaît. Si vous continuez à manger votre viande, ça c'est votre business. Mais je vous prie vraiment de faire l'effort d'éliminer les viandes rouges, parce que ce n'est pas bon pour votre épiphyse, pour votre âme, et ce n'est pas bon pour le cerveau. Je promets que la prochaine fois, je vais vous amener la liste, parce que ce show, je vous dis que ça risque de durer 2 heures, et je crains de vous garder trop longtemps, parce que la partie des questions, je vais changer de salle, on va les répondre là-bas. C'est un show normalement qui devait durer même 3 heures de temps, je vous dis. Le sujet est très très profond. Surtout sur le cerveau, vous avez constaté que j'ai été trop bref. Je n'ai pas voulu rentrer dans les détails. Et puis, bon, le petit choc émotionnel que j'ai eu. Donc, l'alimentation est très importante. Il faut savoir qu'est-ce que vous mangez. Qu'est-ce que vous buvez également. Je ne recommanderais pas les alcools. Je ne touche pas aux alcools. C'est un choix personnel, mais ça ne veut pas dire que les alcools, c'est mauvais, s'il vous plaît. Je ne jugerai pas ceux qui touchent aux alcools. Manger les viandes, je ne veux pas juger ceux qui mangent leur viande de sang, viande rouge, machin. Mais vous pouvez manger la viande blanche pour mieux commencer. Viande blanche, blanche veut dire manger un peu du poulet, manger le poisson, s'il vous plaît. Le poisson avec écailles, mais évitez les poissons sans écailles. Hein? Des raisons scientifiques, des raisons mystiques, spirituelles, selon notre initiation. Bon, le vin des palmes, je ne sais pas, si vous voulez bien. Ensuite, vous allez passer à un autre exercice que vous allez faire le soir avant de dormir. Et avant de dormir sur votre lit, voici ce que vous devez faire. Avant et après, c'est-à-dire avant de vous coucher et puis quand vous réveillez, avant de poser le pied par terre. Vous devez apprendre à parler à chaque organe de votre corps. Je répète, apprenez à parler à chaque organe de votre corps, soit en position couchée complètement et relaxée. Donc, comment parler? Quand vous vous relaxez, vous couchez tout droit sur votre corps, n'ayez pas de ceinture sur vous, ayez un pyjama si possible. Soyez complètement nu, mais en couvrant votre corps. Donc, quand vous avez couvert votre corps, en esprit, vous créez la technique de visualisation. Et ça, ça fait partie de votre travail. Il faut apprendre maintenant à visualiser. Apprendre à parler à chaque organe veut dire quoi? Vous allez donc cultiver une technique spirituelle qu'on appelle la concentration. Parce que vous ne pouvez pas apprendre à parler à un organe si vous ne savez pas comment vous concentrer. Donc, se concentrer veut dire focaliser, amener votre esprit à un seul objectif, à une seule chose. OK? Et ensuite, après la concentration, apprenez aussi à cultiver ce qu'on appelle la visualisation. Donc, créer la vision de la chose. Vous faites cela pendant 3 lunaisons. Donc, pendant 90 jours, s'il vous plaît. Faites-le. Faites-le. Apprenez à communier avec chaque organe de votre corps. Faites-le. Il y a une technique chinoise qu'on appelle l'acupuncture spirituelle où on va vous montrer qu'en 24 heures, comment les énergies du corps, à quelle heure telle énergie, tel organe du corps est faible ou à telle heure tel organe est plus fort, comment apprendre à stimuler les différents organes de votre corps. Ça, c'est, si vous voulez, je vais noter ça, ça doit faire l'objet d'un autre enseignement. Donc, technique de stimulation. Technique de stimulation des énergies, des organes du corps. Stimulation des organes du corps. Voilà. Là, je vous en parle de manière générale. Apprenez à stimuler vos organes pendant 90 jours, s'il vous plaît, si vous voulez des résultats. Et il faut le faire sans arrêt. Et enfin, quelque chose de très important. La loi du silence. La loi du silence reste de rigueur. Parce que si vous parlez trop, vous ne pouvez pas réussir ce travail. Donc, apprenez à garder le silence. Plus vous gardez le silence, moins vous dépensez des énergies extérieures et plus vous allez donc parler à l'intérieur. Vous comprenez? Garder le silence veut dire éviter d'extérioriser le verbe, mais intérioriser votre verbe. Donc, apprenez maintenant à communier avec vos organes. Gardez le silence. Donc, coupez de parler trop de l'extérieur, s'il vous plaît. C'est très important. Donc, la loi du silence est l'une des techniques fondamentales qui vous permettront de commencer à communiquer avec votre corps. Évitez de faire toute action mécanique. Je répète, évitez de faire toute action mécanique. En d'autres termes, quand vous parlez, évitez de faire des gestes inutiles. Évitez de trop gesticuler, de sursauter, de faire des mimiques, parce que c'est une perte d'énergie, parce que c'est une dispersion énergétique, parce que c'est une désorganisation organique, donc des organes de votre corps. C'est très, très important. Donc, quand vous parlez, apprenez à vous discipliner. Apprenez à parler avec des actions conscientes. Apprenez à d'abord penser aux verbes ou aux paroles qui sortent de votre bouche. Et la même chose, quand vous mangez, s'il vous plaît, là, je m'excuse, je sais qu'il y a beaucoup qui ont mangé en famille, ça va paraître bizarre, mais à partir d'aujourd'hui, éduquez à vos enfants, à vos épouses ou à vos époux, qu'à partir d'aujourd'hui, quand nous mangeons, évitons de trop parler. Et cela, c'est common sense, c'est tout à fait logique, parce que quand vous parlez, vous mangez au même moment que vous parlez, eh bien, vous verrez que votre ventre va se remplir vite. Pourquoi? Parce qu'au moment où vous parlez, il y a de l'air qui rentre dans le ventre au même moment que la nourriture. Donc, évitez, s'il vous plaît, quand vous mangez, faites plutôt de la nourriture comme étant un rituel pour vous, s'il vous plaît. Ensuite, l'amour sexuel, le travail et tout ça, tout doit être conscientisé. Même pendant que vous faites l'amour, pendant que vous vous caressez, pendant que vous vous embrassez, pendant que vous faites vos ébats sexuels, soyez conscient de ce que vous faites. Ne faites pas comme des robots. C'est pour cela que je n'aime pas. Je vais insister que évitez de baiser. Parce que quand vous baisez, vous n'êtes pas conscient de ce que vous faites. Faites l'amour. Là, vous passez la main, soyez conscient que lorsque je touche cette partie de son corps, elle va éprouver un plaisir. Communiquez. Quand vous communiquez avec la partenaire ou le partenaire, dites ce que vous ressentez. Dites-lui ce qu'elle ressent. Donc, c'est ce qu'on appelle faire l'amour avec conscientisation. Désormais, retenez ce mot. Manger avec conscientisation. Parler avec conscientisation. Tout ce que vous faites, faites-le avec conscientisation. Les gestes que vous faites, faites-le avec conscientisation. Tout doit se faire de manière consciente. Et ainsi, c'est après un certain temps, je vous dis bien, après un certain temps, au bout de 3 mois, 6 mois, eh bien, vous verrez que maintenant, votre corps va apprendre, va commencer à apprendre à vous obéir. Voilà le grand mystère. Voilà le grand mystère. Votre corps va commencer à vous apprendre à vous obéir. Vous comprenez? Pardonnez-moi de ces moments émotionnels, parce que j'ai vécu du côté de mon père, hein, quand il a eu cet AVC. Il a vraiment souffert. Et bon, je l'ai soutenu hein, jusqu'à ce dernier jour. Il a vécu quand même longtemps. Il pouvait quand même parler, il pouvait marcher, mais avec difficulté. Mais à la différence que... il était complètement altéré, donc il ne pouvait fonctionner que d'un côté. Dieu merci que pour lui, il n'a pas eu le sang, hein, le sang n'avait pas coulé, mais c'était plutôt une paralysie, quoi. Une paralysie, parallèle ou quelque chose comme ça. Ok? Donc, maintenant je vais vous permettre de prendre une petite pause et vous permettre aussi de poser les questions tout à l'heure. Je vais prendre une petite pause et ensuite nous allons, le moment venu, je vais ici, comment? La musique là ne veut plus venir, c'est comment? Tout a chuté maintenant? Oh, ok. Et puis je vais me préparer dans l'autre salle, là où je vais pouvoir répondre à toutes vos questions par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Et bon, ça ne me dérange pas hein, que les gens posent d'autres questions, puisque je suis là pour ça. Je sais que beaucoup d'entre vous m'aviez posé cette question. Et il y a certaines questions également que je vais avoir l'opportunité de répondre ici. Quelqu'un qui m'a posé des questions sur comment faire le rite, le rite du baptême des enfants. Parce que je crois qu'il est devenu père. Je crois qu'il doit me suivre. Hein. Il va devenir père dans quelques jours. Et je tiens ici à féliciter également mon fils qui est devenu père il y a quelques 3 jours. Et avec lui, nous allons faire le rite tout à l'heure également. Je parle de mon fils de sang, hein, mon premier fils, mon premier garçon. Oh là là, bon, écoutez, je vais utiliser l'autre moyen de communication pour vous permettre de vous une détente en musique. Et pendant ce temps, je vais pouvoir me préparer à l'autre salle et pour que je puisse libérer celle-ci. Et là, je répondrai à toutes vos questions. Donc, je vous remercie une fois de plus de votre patience et une fois de plus, pardonnez-moi de ces moments émotionnels parce que c'est quelqu'un que je porte beaucoup et d'ailleurs, Dieu merci que nous communiquons tous les jours. Nous communiquons tous les jours. À un moment donné, je dis, mais en fait, pourquoi je suis émotionnel alors que lui et moi, on parle. Quand j'ai besoin de lui, il vient à mon secours. Donc, il n'y a pas une raison pour laquelle je dois encore... C'est vrai, je le manque dans le plan matériel parce qu'il était tout pour moi, mais... Donc, c'est ainsi que ça n'est pas encore fini, je vous ai promis, que je dois répondre aux questions. Donc, permettez-moi de vous accorder quelques moments de musique, le temps pour moi d'aller préparer l'autre salle, parce que cette salle-ci, n'oubliez pas que je suis dans une librairie universitaire, donc il y a beaucoup d'activités, les étudiants, surtout le week-end, ils sont très occupés là, ils veulent occuper la salle. Voilà un peu quoi. Ah, bon. Alors là, décidément, hein, la technique en train de déconner, ce n'était pas vraiment une bonne soirée pour nous aujourd'hui. Il s'est passé ce qui se passe. Oh, ok. Now, what's going on? Tout se déconnecte, tout ne marche plus. Ok, now here we go. Oui, à cause de ce problème de connexion, je ne sais pas. I don't know. Je vais vérifier si la connexion est... Ouais, on est bien en connexion, tout est bon. Il n'y a pas de problème. Sauf que ça prend du temps pour redémarrer. Je ne sais pas. Ok, accordez-moi une minute. Je vais rapidement, pendant que la machine est en train de se préparer, je vais voir le transfert de la salle. J'arrive. Bon, j'espère que vous ne m'avez pas encore quitté. Hein. On transfère, on va transférer, on va à l'autre côté là-bas. À l'autre salle. Merci d'être patient. Merci beaucoup d'être patient. Merci, merci beaucoup. Je ne vais pas vous déconnecter, je préfère garder ça comme ça. Ça n'a pas été une soirée facile pour nous, hein, coupure, et là maintenant, notre Mongongo, la régie ne veut pas nous donner la musique. Pardonnez-moi une fois de plus, s'il vous plaît. Je vais vous pardonner. J'ai pris un peu trop du temps. Bon, j'espère que c'est le week-end. Certains d'entre vous veulent déjà aller dormir ou aller en boîte de nuit, je ne sais pas trop. Mais tiens, je suis surpris. Vous tous, vous êtes fidèles, vous êtes toujours là. Waouh, merci beaucoup, merci beaucoup. Maintenant, on va tenter à nouveau. Là. Qu'est-ce qui se passe avec mon Mungongo? Si la régie ne veut pas répondre, écoutez, je conseillerais que vous démarriez. Commencez à poser des questions. Et puis voilà, on va démarrer la chose. Ok, bon, il refuse, c'est pas grave, la technologie a ses caprices. alors, je suis là, je suis prêt à prendre toutes vos questions, s'il vous plaît. Je suis prêt à noter, que ce soit sur la thématique, donc sur le sujet de ce soir, ou quel que soit le rapport, le cerveau, l'esprit, ou qu'est-ce que vous voulez, je suis là pour vous. Je suis prêt et je vais pouvoir prendre vos questions. Donc, je suis à votre disposition. J'ai encore une heure. Puisque je constate que vous êtes nombreux encore là. Donc, on a encore une heure là. Et puis, voilà, on va démarrer. Ok, j'ai déjà pris les deux premières questions. J'attends toujours. Plus personne ne pose des questions. Parce que jusqu'ici, je n'ai que trois questions là. Ça fait 4. J'attends toujours. Je veux au moins 10 questions, ou même 20. Je vous ai dit, je suis encore là pour au moins une heure. Hein. C'est mon week-end, c'est mon jour de repos. Bon, aujourd'hui, apparemment, personne ne veut poser des questions et je vais... Ok, bah écoutez, il y a certains sur le max qui sont en train de dormir. Je vais pouvoir, j'ai pu avoir 11 questions et je vais pouvoir les répondre dans l'ordre. Rassurez-vous. Et puis, je vais faire de mon mieux. D'accord, je sais. Oui. Ouais. Bien. J'ai enregistré 11 questions. L'autre, ce n'était qu'un rappel. D'accord. J'ai enregistré 11 questions et je vais pouvoir les répondre maintenant. OK. OK. Bien. Première question. Quand les sept chakras sont activés, est-ce que ça veut dire qu'on atteint le niveau d'éveil? La réponse est oui. Effectivement, faut-il que je reprenne tout à zéro pour vous expliquer comment cet éveil s'effectue. Donc, tout se passe au niveau de... Ah oui, il y a quelqu'un qui m'a posé la question sur le mari de nuit. Mari de nuit, mari... Oh, d'accord, la question elle est là. Voilà. Donc, il faut retenir ceci. C'est que en matière d'éveil des chakras, c'est pour cela que c'est très, très, très important d'avoir un maître qui puisse mieux vous guider dans cette affaire de l'éveil des chakras-là. Parce que la moindre erreur, je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Non, la vidéo, elle est trouvable. Si, la vidéo est disponible. C'est de ma faute. Il faut que je rebalance ça sur... C'est sous la vidéo intitulée « Les pratiques au sommet de l'État » et « Femmes de nuit ». Retenez bien. C'est sous la vidéo intitulée « Les pratiques au sommet de l'État » et « Femmes de nuit ». C'est là-dedans où je fais justement, comment dirais-je, décidément, hein, ils ne sont pas... ils ne veulent pas nous laisser vraiment la paix ce soir, là, mais... La vidéo est chaque fois interrompue. Donc, revenons sur ce que je viens de dire. Que les sept chakras s'ouvrent de manière, la manière suivante. Vous partez de la base vers le haut. OK? Tout part de la base vers le haut. Ça ne va pas du haut vers le bas. Donc, le premier chakra se trouve au niveau du coccyx, plus précisément au niveau de votre pénis. J'avais expliqué ça la dernière fois dans une vidéo qui est disponible. Comment alors vous savez que votre Viagra, pardon, votre chakra est éveillé? Eh bien, vous avez des érections anormales. Je l'avais expliqué. Des fortes érections qui peuvent vous pousser à courir à gauche et à droite pour vouloir brûler. Mais ça, c'est le signe. Chez la femme, c'est pareil. Elle a une surexcitation, ça ne marche. Des envies sexuelles bizarres, incontrôlables. Donc, ça, c'est le premier chakra qui est maintenant en train de se mettre en éveil. Mais ça ne se met pas en éveil comme par hasard. Il y a un travail spirituel que vous faites. Okay? Il y a un travail de stimulation. Quelqu'un m'a posé la question sur des stimulations. Je répondrai à cette question. Comment stimuler une certaine partie de votre corps afin d'éveiller un certain chakra. Donc, le deuxième chakra, une fois le premier est éveillé, ça s'explique par des érections anormales. Et vous maîtrisez cela. Au bout d'un mois, ça va durer un mois, voire même deux mois. Et après, ça se calme. Le prochain chakra, vous aurez l'impression que vous entendez des voix, les gens qui vous parlent, des bourdonnements au niveau des oreilles. Ça, c'est l'éveil du deuxième chakra qui se trouve au niveau de la base de votre nombril. Donc, les voix que vous entendez, c'est un signe que les ancêtres commencent, les esprits veulent vous parler. Ce n'est pas seulement forcément les ancêtres, ça peut être même les démons, hein. Ça peut être n'importe qui, ça peut être Léon Ba, ça peut être Albert Mana Bongo, je ne sais pas trop qui. En tout cas, n'importe qui, vous êtes dans le monde... des possibilités et le monde de la communication. Vous rentrez donc dans la phase akashique. Donc, vous êtes proche des tiroirs akashiques là. Et enfin, vous allez voir quelque chose, ça va persister comme ça pendant au moins 2 ou 3 mois, voire même 6 mois, voire 1 an. Parce que les chakras ne s'ouvrent pas vite, vite, vite comme vous le pensez. Alors, ça va être accompagné parfois des douleurs à ce niveau. Et ensuite, vous allez constater un changement. Vous ferez des rêves qui sont beaucoup plus réels. Vous avez comme l'impression que ce que vous voyez dans le rêve est une réalité. Donc, vous ferez des projections astrales inconscientes. Vous allez vous projeter, vous allez vous retrouver à Mouila, à Mangondou, pendant que vous êtes ici aux États-Unis. Et les gens même vont vous voir, mais ce n'est pas possible. Monsieur Minko, qu'est-ce que vous faites ici? Ou Madame Kombila, qu'est-ce que vous faites ici? Monsieur Mingondo, qu'est-ce que vous faites ici? Et ça, c'est l'éveil du 3e chakra. Maintenant, le 4e, qui se trouve au niveau du plexus, va vous commencer à vous permettre, quand vous êtes assis au milieu des gens, vous aurez comme l'impression que vous entendez les gens parler et vous lisez les pensées des gens. Vous allez commencer à lire les pensées des gens à partir du chakra du chakra du plexus, au niveau du plexus solaire. Vous êtes assis au milieu des amis, vous gardez votre calme dans le silence, voilà pourquoi je vous recommande la loi du silence. Et puis voilà, vous commencez à lire les pensées des gens. Les pensées, vous avez l'impression que ce sont les vôtres, mais vous dites, mais non, c'est pas moi qui pense comme ça, c'est quoi cette affaire-là? Vous allez lire les messages des gens. En direct, les gens, quelqu'un qui a un rendez-vous, qui est en train de parler avec Antoinette, sa copine, et puis voilà, vous lisez la pensée. Oh, Antoinette, j'arrive ce soir à 21h. Hein. Il faut me dire à ton tocard de Marie là, de rester là-bas, créer une histoire que tu es de garde. Et voilà, les pensées comme ça vont commencer à vous inonder. Donc, ça s'appelle des signes précurseurs de lecture de pensée. Et ensuite, ça va durer peut-être 1 an ou 2 ans, 3 ans. Ça, vous allez vivre, et vous allez vivre simultanément tous ces phénomènes-là, hein, érections, ceci, cela, mais les érections seront moindres. Voilà pourquoi il est recommandé que lorsque vous faites le pranayama yoga, qui est en fait le yoga spécifique pour l'éveil de votre conscience à travers l'éveil de Kundalini, le serpent de feu, ou encore la montée des 7 montagnes ou des 7 ouvertures des 7 chakras, ça passe par certaines privations. On vous demande même de ne pas avoir d'activité sexuelle, pas du tout, pendant même 5 ans, 7 ans, jusqu'à ce que l'illumination est effective. Bref, l'éveil de 7 chakras part de la base vers le haut. Donc, le 4e, disais-je, au niveau cardiaque, le 4e au niveau plexus, le 5e au niveau cardiaque, donc au niveau de votre cœur, vous êtes en communion directe avec les maîtres, vous commencez à communiquer avec eux, vous commencez à avoir la possibilité... des choses, des miracles se produisent dans votre vie. C'est ce que le commun des mortels appelle le miracle. C'est-à-dire que toute chose que vous pensez, que vous désirez, si vous voulez de l'argent, vous l'obtenez. Parce que là, les portes des maîtres sont ouvertes. Parce que vous êtes maintenant en communion avec l'autre monde. Et le 6e se trouve au niveau de la gorge. Ce qui va s'expliquer par certains étouffements et également certaines communications avec les grands maîtres de l'au-delà qui vont vous révéler, faire des révélations, ainsi de suite. Et vous passez au 7e qui... le final, c'est-à-dire au niveau de l'épiphyse ou qui l'ouverture se passe au niveau de la glande pinéale, donc de la moelle épinière depuis le coccyx jusqu'à la glande pinéale, voilà le grand circuit fermé de 7 centres d'énergie qui sont englobés, enrobés dans votre colonne vertébrale et ça prend entre 5 à 10 ans, ça dépend, si vous êtes vraiment régulier dans votre travail. J'avais commencé à 78, à un moment j'ai eu la paresse, j'ai arrêté et puis j'ai repris. Et voilà pourquoi mon premier enfant, je l'ai eu en 1991. Parce que je voulais m'assurer que tant que je n'ai pas fini mon travail spirituel de l'éveil de Kundalini, le serpent de feu, pas question de faire des enfants, pas question d'avoir le sexe. Et donc ça demande beaucoup de privation s'il vous plaît, ça demande beaucoup de travail. Donc en un mot oui, la réponse est oui, l'éveil de votre chakra vous amène à la maîtrise totale, donc vous devenez un maître, absolument. Ça vous amène à l'illumination, absolument. Pourquoi notre mari de nuit nous tourne le dos? Bon, je ne sais pas. Vous parlez de votre vrai mari de la maison, bien votre vrai mari de nuit. Bon, si c'est, ça arrive, hein, moi, ma femme de nuit, parfois, elle me tourne le dos, mais elle aime souvent que je lui fasse les choses quand elle est couchée sur moi. Puis voilà. Le fait que votre mari vous tourne le dos, ça signifie beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il faut lui faire le rite d'appel. Il a besoin de vous. Il a besoin d'être à vos côtés. Ça, c'est un. Et de deux, ça peut être aussi l'esprit de jalousie. Il est jaloux. Là, je parle du mari de nuit. Hein. Voilà, mari de nuit, d'accord. Il est jaloux. Bon, s'il est jaloux, il peut vous fermer les portes. Hein. Rien ne peut marcher. Et ça peut empiéter dans votre mariage, ça peut empiéter dans votre travail. Donc, et il peut arriver qu'il soit jaloux, mais que juste vous créez même des colères. Des fois, avec le mari, ça ne va pas. Vous êtes toujours en pleine dispute. Toujours disputer avec le mari, ça ne marche pas. Et puis, vous voyez que votre mari de nuit tourne le dos. Ça veut dire qu'en fait, moi, c'est moi qui suis l'auteur de discorde, du désordre dans ton foyer. Tant que tu ne viendras pas me supplier, moi, je ne suis pas dedans. Et même nous-mêmes dans le monde réel, quand nous avons des problèmes avec notre femme ou notre mari, on n'a pas tendance à le faire. Quand on est tellement fâché, on tourne le dos, non? Il faut que l'autre vienne supplier, là, tu viens mettre la main à maman, calme-toi, et toi, si chérie, chérie. Et puis, l'affaire s'harmonise. Donc, il y a trois raisons, là, derrière ce dos qu'on tourne, hein, que le mari tourne. La jalousie, et ensuite, il est fâché, et en fait, il a besoin d'être nourri. Il faut nourrir votre mari de nuit. Et je vous donc recommande, une fois de plus, pardonnez-moi, je veux voir avec mon fils, là, le Kobolo, de me faire ressortir cette vidéo-là, où je crois que c'est lui qui m'avait diffusé ça, là où je parle des crimes au sommet de l'État, et ensuite je parle mari de nuit. C'est là, dans la même vidéo. Il faut que je vous fasse ce rite qui est tout simple. Maintenant, si vous voulez aller au village, il faut le faire en saison sèche, en lune montante. Le rite de consécration d'un nouveau-né. Quelqu'un m'a posé cette question, mon fils me l'a posé, d'autres personnes me l'ont posé, le rite de consécration d'un nouveau-né, ça se fait conformément, comme la Bible le recommande. Allez-y lire le livre de Genèse, le livre d'Exode, comment Abraham, je vais dire le livre de Genèse, autant pour moi, ou bien le livre des Chroniques, ou le livre des Rois, il nous explique comment Abraham avait fait pour consacrer son fils Isaac. Il y a la technique qui est décrite. C'est Isaac ni Abraham n'étaient pas des Blancs ou des Juifs, c'était des Africains. Donc le rite qu'ils font là, c'est pareil, que ça se fait comme selon la méthode de nos ancêtres. Et selon celle que je vais vous préconiser tout à l'heure, puisque j'ai une communication avec quelqu'un tout à l'heure dès que j'aurai fini le machin, dès que j'aurai fini de parler ici. Donc, le rite de consécration doit se passer de la manière suivante. Madame et monsieur, vous devez vous entendre. Vous devez vous asseoir chacun de son côté et être d'accord. Même si la femme, elle est chrétienne, ou bien c'est le mari qui est chrétien et que la femme, elle est traditionnaliste. Vous devez vous entendre pour que votre enfant soit consacré. Ce n'est pas le baptême du prêtre qui viendra changer. La preuve en est que tous les enfants qu'on baptême, qu'on baptise, qu'est-ce qu'ils deviennent? On les voit, ils deviennent des délinquants, ils sont dans les prisons, ils font le banditisme, ils conforment, ils font les fornications, les adultères. Donc, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu la véritable consécration ancestrale. Par contre, quand vous consacrez votre enfant, quand j'entends par consécration, on veut dire que vous le baptisez, vous lui donnez le pouvoir en fonction du nom que vous lui avez donné, et le nom, lequel nom a été déjà harmonieusement travaillé entre les deux, les parents, le yin et le yang, donc le père et la mère, parce que le père et la mère représentent Dieu sur terre. Donc, je crois que j'ai été clair là-dessus, il faut vous entendre, et puis vous le faites ensemble, et aux heures indiquées. 4. Comment se programmer? Bon, je ne sais pas, hein. Moi, dans mon live de tout à l'heure, je vous ai dit que la programmation, c'est fait par la déprogrammation. Parce que nous tous, par essence, lorsque nous naissons, malheureusement, surtout en Afrique, on a tendance à nous programmer des trucs bizarres. Sauf avant le 18e, sauf avant le 15e, 16e siècle, avant que les Blancs ne viennent. Nos ancêtres nous programmaient depuis la naissance. Mais de nos jours, c'est très difficile. Donc, à la votre question, je dirais, comment se programmer? Ben, il faut d'abord apprendre à se déprogrammer. Donc, se déprogrammer, vous recevrez la vidéo, l'enseignement, c'est se détacher, c'est se déconscientiser, c'est se désindividualiser de toutes ces histoires-là, se décoloniser, en un mot, se détacher de tous les dogmes, doctrines et toutes ces histoires-là par une prise de conscience. Désormais, conscientisez tout ce que vous faites. En un mot, appliquez les règles que je vous ai données dans la partie pratique où je donne des exercices. C'est de cette sorte que vous pouvez vous programmer. Vous programmez dans le but de devenir vous-même. Vous programmez dans le but de devenir celui que Dieu a créé à son image. Vous programmez dans le but de devenir le véritable Dieu, représentant de Dieu sur terre. La véritable expression même du Dieu Tout-Puissant. C'est vous. C'est cette programmation dont vous avez besoin. Une véritable programmation qui passe par une prise de conscience personnelle, par une initiation personnelle, une initiation vécue, une initiation expérimentée, et laquelle initiation passe par plusieurs aspects. D'abord, sûrement livresque. c'est-à-dire sous couvert de l'informel, donc l'information, vous lisez, vous vous éduquez, vous faites ceci, et vous faites selon qu'on appelle Intersanction 5, verset 21, et vous faites la sélection, vous choisissez ce qui est bon pour vous, et ce qui n'est pas bon, vous rejetez. Donc vous faites cela, cette programmation doit se passer par sélection naturelle. La sélection consiste pour vous d'accepter ce qui est bon et de rejeter ce qui n'est pas bon. Ce n'est pas toute initiation qui est nécessairement bonne. Donc, à vous donc de pouvoir juger cela. Soit avoir un guide dans le plan visible, dont les gens comme nous autres ou bien d'autres, ou encore avoir un guide dans le plan invisible. Maintenant, si vous voulez avoir un guide dans le plan invisible, c'est facile. Contactez-moi en privé. Je peux vous donner le code, comment vous commencez, comment vous pouvez commencer à contacter un guide invisible. Ils sont disponibles, ils veulent bien vous aider, ils veulent rentrer en contact avec vous. Mais ce sont vos histoires de religion, là, à gauche, à droite, alléluia, les palabres de ceci, c'est cela. Ils sont là. Il y a des pasteurs qui sont dans le monde invisible, des pasteurs mystiques. Et qui vivent dans le monde des possibilités, qui vivent dans le monde de la lumière, pas les faux pasteurs qui couchent les femmes ici sur terre. Voilà donc la réponse, comment se programmer. Il y a plusieurs étapes. Hein. Là, je réponds selon l'enseignement de ce soir. Et maintenant, moi, poser une question, si je connaissais Credo Mitua, bon, pardonnez-moi, je n'ai pas. J'ai lu le nom quelque part, mais je ne sais pas trop qui il est, je n'ai pas voulu trop chercher à savoir qui il est. C'est comme les histoires de Lao Tzu. J'ai lu, mais il m'intéresse peu. En fait, il y a beaucoup de personnes qui étaient des grands initiés, des hommes de lumière mystique, des hommes de spiritualité, qui étaient capables de pouvoir vous amener à l'éveil de votre conscience. Mais j'utilise 1 Thessaloniciens 5, verset 21. C'est-à-dire, examinez tout enseignement, examinez toutes choses que vous apprenez. Retenez ce qui est bon et rejetez ce qui n'est pas bon. Alors, j'applique cette règle en tout et pour tout. Donc, pardonnez-moi de vous décevoir, mais je ne connais pas assez. J'ai entendu parler, mais je ne l'ai pas étudié. 6. Est-ce que pour activer le troisième œil, il faut se masser le front? Oui et non. Oui, il y a une technique qui est purement yogique, c'est-à-dire une technique du yoga qui vous permet à faire des massages légers et très souples, qui vous permet de rentrer en contact avec la troisième ventricule ou encore au niveau de l'épiphyse, parce que c'est ça. Il faut savoir où est localisé votre épiphyse. Quand je vous ai montré le chemin là, sur le cerveau, souvenez-vous, voilà. Cette épiphyse, vous voyez, cette épiphyse est localisée au niveau là. Voilà l'épiphyse, c'est là. Vous voyez? Donc, cette coupe du cerveau vous représente, en fait, dans son ensemble. Mais voilà l'épiphyse. Donc, dans votre tête, l'épiphyse, quand on met ce chemin de côté, l'épiphyse, c'est où? C'est là. C'est où se trouve le troisième œil. Et ce troisième œil, vous l'avez appris ce soir, que c'est là, c'est ça, où se trouve le siège de notre âme. Donc, le siège de notre âme à tous, chacun de nous qui a une âme, se trouve là, au niveau de l'épiphyse, parce que c'est ça qui est en connexion avec l'aire psychosensorielle. 7. Est-il possible de bouger un objet par la pensée? Mais bien sûr. En franc-maçonnerie, on leur apprend ça même au premier degré. Dans la Rose-Croix, à partir du troisième et quatrième degré, on vous apprend ça. Ça s'appelle la télékinésie. Télékinésie. C'est même le premier exercice chez les. Ce n'est pas les rosicruciens d'aujourd'hui là. Même quelqu'un vient même me corriger que non, la rose croix maintenant 12 degrés. Et moi, c'est en 73-74 que je suis entré dans la rose croix. On ne parlait pas des 12. On vous parlait des 10. Le 10e degré, en fait, on vous le donnait. Les grands maîtres invisibles vous le donnaient. Normalement, c'est 9. Comme ça s'est passé en Égypte. Le grade des hiérophantes, c'est le 9e degré. Mais quand vous multipliez 9, 9 fois 3, ça devient quoi? Faites le calcul. C'est là où vous atteignez le premier degré de maître, donc 27, et ensuite vous arrivez à 33. Bon, bref, on va rentrer là-bas. Donc, bouger l'objet par la pensée, oui, c'est possible. La technique s'appelle la télékinésie. Ben écoute, comme tu as fait l'expérience pendant que tu faisais le rite des ancêtres, ça c'est la 8e question, pendant qu'il faisait le rite des ancêtres, il a senti l'odeur du tabac. Mais je sais que tu n'as pas mis le tabac, mais tu as senti cette odeur. Ça veut dire quoi? Souvenez-vous quand je vous avais dit que quand vous faites le rite des ancêtres, il faut connaître quels étaient leurs besoins. Qu'est-ce que eux ils aimaient de leur vivant? Qu'est-ce qu'ils buvaient? Qu'est-ce qu'ils mangeaient? Qu'est-ce qu'ils fumaient? Est-ce qu'ils fumaient du tabac? Donc, ce signe-là, c'est un bon signe qui prouve qu'ils sont à tes côtés. Donc, la prochaine fois quand tu vas faire ce rite des ancêtres, rassure-toi que tu vas payer le tabac. Le vrai tabac, il y en a en France là-bas, il y en a. Hein? Dans les boutiques de tabac. Ils ont du vrai tabac original. Donc, il faut payer ce tabac, pas la cigarette. Il faut aller payer le tabac. Hein? Donc, une fois que vous prenez ce tabac, ou même la cigarette Brazza, Congo Brazza, je ne sais pas si ça existe en France, mais c'est au Congo que j'ai connu ça et au Gabon. Et vous prenez donc le tabac ou la cigarette et que vous allez associer avec les éléments que vous allez donner quand vous allez faire appel aux ancêtres. Donc, l'odeur du tabac veut dire que les ancêtres aimeraient que prochainement, quand tu vas faire le rite, il faut penser à leur tabac. C'est traditionnel, qu'ils fumaient ou pas. La majorité des rites ancestrales au Congo, au Cameroun, au Gabon, en Guinée, en Angola, souvent j'ai constaté qu'il y a le tabac en dehors des liqueurs. Ensuite, la question sur le démiurge créateur, je ne me rappelle même plus. Je crois que c'est la même chose, mais c'est un grand travail. Je vais skip, je vais pouvoir sauter cette question parce que pardonnez-moi, je ne l'ai pas bien noté. 10. Comment faire pour mémoriser vite? Une mémorisation rapide pour éviter ce qu'on appelle les adjuvants. Vous faites bien de me poser la question puisque j'en ai développé. En fait, quand vous dépendez trop des drogues, des médicaments, des comprimés et tout cela, cela est un danger parce que ça va créer en vous l'esprit de dépendance. Et cet esprit de dépendance va créer ce qu'on appelle l'annihilation. Donc, l'annihilation veut dire que ça va annihiler ou annuler l'effet de la volonté sur vos organes. Donc, en un mot, si vos organes ne peuvent plus fonctionner proprement en fonction de votre volonté, vous êtes finalement sous un état annihilatoire. Alors, pour éviter cet état annihilatoire, et pour répondre à votre question, la mémorisation rapide, il y a des aliments naturels qui favorisent cela. Je peux vous donner une liste. À partir d'aujourd'hui, fabriquez vous-même un petit sirop. Ce sirop s'appelle le sirop de la mémorisation. Vous prenez le citron biologique, donc le citron naturel, et vous prenez du miel naturel qui n'a pas été filtré, du miel sauvage, en un mot on appelle ça. Et vous mélangez ce miel sauvage avec le citron plus une petite quantité d'eau, au moins 30% d'eau. 30%, 70%, comment dirais-je, autant pour moi. Qu'est-ce que les maîtres me disent là? Oh, ok. Ils me disent 20%, 20% eau. Ok. 30%. Citron. Et 50% miel. Ok. Voilà. Ils viennent me dire, retenez bien ceci. Vous mettez 20% de la quantité d'eau, 30% de la quantité de citron et 50% du miel. Donc, il doit y avoir plus de miel. Donc, quand vous mélangez le miel avec du citron, avec de l'eau, en respectant le pourcentage que je viens de donner, ce n'est pas moi, ce sont eux qui me le disent, 20% de la quantité d'eau, 30% citron et 50% miel, vous secouez et chaque matin, vous prendrez 2 à 3 cuillerées de ce mélange-là. Vous mettez ça avant de consommer quoi que ce soit. Vous buvez. Au bout d'une semaine, votre cerveau logiquement va reprendre sa fonctionnalité enfantine. C'est-à-dire, ça va revenir comme si vous étiez encore enfant. Donc, votre cerveau va revenir à l'état normal. Et deuxième recommandation sur l'affaire de mémorisation. N'oubliez pas que le cerveau est victime de certains dysfonctionnements. C'est dû à l'environnement dans lequel vous évoluez. Je m'explique. Le manque de repos, le manque de sommeil, l'histoire de faire l'amour souvent après 2 heures du matin, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. OK? Laissez le corps se reposer. Être au lit entre 21h30 jusqu'à 5h du matin. Maintenant, vous pouvez faire l'amour entre 5h et 7h. C'est très bon pour votre santé. Vous pouvez faire l'amour la journée. C'est très bon. Bon, maintenant, nous qui sommes initiés là, la journée, il paraît qu'il ne faut pas faire. Bon, vous pouvez choisir. Entre 5h et 7h du matin. Hein? Donc, ça, c'est très, très important qu'il faut retenir dans cette affaire-là. Maintenant, 11e question. Les médicaments des hôpitaux, là, est-ce qu'il faut continuer à les prendre? Mon avis, la réponse est non. Je suis moi-même dans le corps médical. Ici, dans l'état où je suis, à l'université que je fréquente, Ohio State University, qui est l'une des grandes universités à travers le monde. La seule université d'ailleurs qui a créé le premier grand centre d'échange du cœur naturel qui peut vous traiter le cœur à tout niveau et fonctionner bien avec un cœur artificiel et vous vivez longtemps. Donc, cette grande université a trouvé, avec l'appui de beaucoup de personnes, y compris nous, votre humble serviteur, qui ne consomme pas. Moi, je ne consomme pas du tout les comprimés, pas du tout. Je ne donne aucune confiance. À l'époque, dans les années 70-75, on nous donnait ce qu'on appelle la Nivaquine, tous les mercredis. On se portait bien. Et ça, c'était la Nivaquine qui était faite à base de l'Iboga par le docteur Schweizer à l'hôpital de la Schweizer de Lambaréné. Ça, c'était naturel. Mais depuis là, votre homme serviteur ne touche pas les comprimés. Je ne connais pas l'histoire des comprimés. Quand je suis malade, je communique avec mon corps. Bref, médicaments des hôpitaux, c'est des médicaments qu'on appelle des médicaments génériques. Au niveau de l'Ohio State University, ils ont trouvé une méthode à cause des suggestions des gens comme nous autres et bien d'autres traditionnalistes. On leur a dit qu'écoutez, ce n'est pas tout le monde qui a confiance à ces histoires génériques, qui les comprimés sont victimes de modifications scientifiques, il y a des mélanges bizarres, des produits chimiques qu'on injecte. Du coup, les nutriments de ces éléments-là qu'on puise de la mère nature, depuis l'Afrique, depuis le Brésil et l'Inde, pour votre information, et certains qu'on prend à partir du règne végétal ou même du règne animal, donc de certains poissons. Mais ce n'est même pas à 100% les nutriments d'origine, parce qu'ils veulent faire du commerce, ce qui fait que le comprimé que vous buvez. Je prends le cas de l'aspirine. L'aspirine, quand ça avait commencé, mais mon Dieu, c'était un bon comprimé. Mais aujourd'hui, ça devient un adjuvant. Les gens, moindre chose, aspirine, ils utilisent ça. C'est dans la liste des drogues qui peuvent détruire votre organisme. Ça crée la dépendance. Pourquoi ça crée la dépendance? Mais c'est parce que quand ils fabriquent ces comprimés dans les grands laboratoires pharmaceutiques, ils font des manipulations. Et ces manipulations, c'est quoi? Ce sont des produits chimiques qu'ils y ajoutent. Et c'est au cours de ces manipulations au sein des laboratoires qu'ils créent ces comprimés-là, ils fabriquent ces comprimés. Et je venais de donner un pourcentage de ma formule pour pouvoir vous permettre de mémoriser. Et tout ce que j'ai dit ici, tout est naturel. Mais vous verrez que si avec eux, ils vont dire non, il faut mettre seulement 2% de l'eau. Bon, le citron, il faut mettre seulement 10%. Parce que le citron là, au lieu de donner 10 bouteilles, avec le citron là, on peut avoir même 100 bouteilles. Donc pour avoir un volume de consommateurs, pour vite avoir beaucoup d'argent, autant mettre moins de pourcentage pour économiser plus en quantité. Vous voyez? Donc, ces médicaments-là, c'est des médicaments que nous appelons dans le jargon médical des médicaments génériques. Médicaments génériques veut dire que ça a été généré par des produits chimiques avec un pourcentage très bas de nutriments naturels venant des substances naturelles qu'ils ont pris à partir de certains éléments pour traiter certaines maladies qui permettent le rétablissement et le fonctionnement normal de l'organe concerné qui est victime d'un dysfonctionnement. Donc, voici mon avis, c'est que tous ces médicaments-là, en un mot, des hôpitaux, c'est des médicaments génériques. Vous voulez mon avis? Bon, concentrez-vous à consommer naturel. Je n'ai même pas fini. Je suis l'affaire de Oeshu, donc on est venu avec l'idée de ce qu'on appelle la médecine alternative. Alternative medicine. The alternative medicine is the only way and the only solution to tackle any issues for dependency, for any chemicals added to those generic meds or medications, because a lot of people, oh, where am I? Pardonnez-moi. C'est ça, en fait. Donc, la médecine alternative est la seule solution pour mettre un terme à toute dépendance, parce que tous ces médicaments génériques-là, vous consommez, la maladie ne part pas. Ça va disparaître quelque temps. Oh, docteur, le mal est revenu. Mais c'est normal. Donc, ils aimeraient ces pharmacies, ces compagnies pharmaceutiques, mais c'est le grand problème ici aux États-Unis. Hein? Même en Europe, partout, on connaît. Donc, ils vont vous créer cet esprit de dépendance pour que vous continuez à consommer ça. Je vous ai donné l'exemple de Viagra, non? Les Chinois ont fabriqué un Viagra à base du bois, de l'usure de bois. Les gens consommaient ça parce que ça coûte $5, alors que le Viagra coûte 50 000 francs CFA, un seul comprimé. Mais là, on vous propose 200 francs CFA le comprimé, au lieu de 50 000. Là. Ça a été un jeu psychosomatique, et puis tout ça, les gens consommaient. Donc, pour vous dire que cette dépendance, c'est un problème qui tue l'homme en général. Il n'y a pas que l'homme noir, hein, même les blancs, tout ça, ici aux États-Unis. Mais les gens fonctionnent à 100% que des médicaments, moins des petits trucs médicaments. Le gars a 28 ans ou 25 ans, il a besoin de Viagra. Mais il va chercher Viagra pourquoi? Tu ne peux pas bander naturellement. En un mot, j'en ai terminé. Voilà, j'ai fait le tour de l'horizon de toutes vos questions. Je vous remercie et continuez à poser vos questions, même en inbox. Et je serai toujours là, ravi et content de pouvoir répondre à vos préoccupations. Je vous remercie tous d'avoir été fidèles à ce show de ce soir. Pardonnez un peu du temps que ça a pris. Pardonnez de la caprice de la régie qu'on n'a pas pu avoir notre générique habituel, notre musique. Mais l'essentiel a été dit. Et de comprendre en conclusion que pour permettre, afin que notre corps puisse nous obéir, je vais reprendre l'expression de l'un d'entre vous qui a dit, qui a posé la question, comment se programmer? En effet, pour permettre à notre corps de nous obéir, apprendre à nous obéir, à obéir à notre corps mental, à obéir nos ordres, les ordres qui viennent de notre tête, car depuis notre tête, Monsieur et Dr. Murphy a écrit un livre appelé « The Power of the Subconscious Mind », donc le pouvoir du subconscient. Effectivement, le pouvoir de votre subconscient est capable de galvaniser le vecteur nul de votre volonté. C'est-à-dire, votre volonté qui dépend des produits chimiques qui sont produits à base de nutriments, lesquels nutriments sont extraits des aliments et de tout ce que vous consommez et de tout ce que vous buvez, cela peut faire en sorte que, en tout état de cause, votre corps peut répondre naturellement aux commandes de vos ordres, parce que ces commandes viennent de votre subconscient. Et votre subconscient, c'est qui? C'est vous. Vous, c'est qui? C'est votre corps mental. Votre corps mental, c'est qui? C'est votre pensée. Parce que vous pensez que vous avez mal de tête et vous vous concentrez, vous touchez et vous dites, il n'existe aucun mal de tête. Vous localisez d'abord la zone par la pensée. D'où la technique que je vous ai apprise. Concentration, visualisation. Visualiser veut dire créer l'image de l'organe en question. Vous constatez qu'on n'arrivait plus à bien bander. Vous vous concentrez sur votre pénis. Vous vous concentrez. Vous faites rentrer les énergies. Vous faites rentrer, vous par l'esprit, vous rentrez et vous dites, mon organe fonctionne bien. Donc, vous activez le flot sanguin par la pensée. Ces exercices sont possibles après 90 jours de rééducation de votre corps. Car votre corps a connu ce qu'on appelle en anglais un shutdown. Ce shutdown a été créé et causé par ce qu'on appelle les anabolisants, des adjuvants, des programmations, qu'on appelle ça, et toutes sortes de choses, pour ne pas dire des aliénations qui sont autres que des dogmes, des doctrines, des écoles conventionnelles, des connaissances bizarres, bidons, qui ne vous ont rien apporté par rapport à votre veille et à votre fonctionnalité naturelle. Car Nzambakana vous a créé à son image. Et vous ayant créé à son image, ça veut dire que vous devez fonctionner naturellement en toute bonne essence. En d'autres termes, en consommant tout ce qui est naturel, en consommant tout ce qui est bien et beau, et en filtrant les connaissances, en filtrant les histoires, les informations que vous amène, et en appliquant 1 Thessaloniciens 5, chapitre 5, verset 21, retenez seulement ce qui est bon, afin de permettre votre corps d'être un avec vous-même. Car Jésus-Christ ne dira-t-il pas quelque part, « Père, je prie pour tous ceux qui croiront en moi, non pas à ceux qui sont à côté de moi, mais pour ceux-là qui croiront en mon enseignement, afin qu'ils soient un avec toi, tout comme toi et moi, nous sommes un, et que dans cette union unitaire, il n'y aura aucune séparabilité, il n'y aura aucune séparation, et cela fera en sorte que vous soyez maître de vous-même. Or, être maître de vous-même, c'est apprendre à être aux commandes de votre corps. Et être aux commandes de votre corps, c'est à rééduquer votre corps par un système de reprogrammation. Vous vous déprogrammez totalement. Et cette déprogrammation passe par une conscientisation. Et cette conscientisation passe par une prise de conscience individuelle et ensuite une prise de conscience collective. Car dans la collectivité, pour ne pas dire, dans l'environnement direct ou indirect, qui est influencé par un ensemble d'éléments donnés, des personnes, et ce sont eux qui peuvent influencer votre être, votre corps. Apprenez à dire non. Apprenez à refuser et apprenez à accepter tout ce qui est bon pour vous. Car, souvenez-vous, votre humble serviteur vous l'a dit, vous êtes vous la vôtre, vous êtes la porte d'entrée et vous êtes la porte de sortie de vous-même. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes l'église de Dieu, dira l'apôtre Paul. Car l'église de Dieu, c'est l'ensemble de tous les individus qui croient en un certain Jésus, tous unanimement, mais individuellement, ils sont des particules de cette église. Vous également, vous êtes individuellement une particule du Dieu Tatanzambé. Car, selon les écrits sacrés, et les dieux Elohim créèrent l'homme à leur image, à leur ressemblance, ainsi l'homme devint la ressemblance de Dieu. Pour que vous deveniez la ressemblance de Dieu, s'il vous plaît, appliquer les techniques pratiques que je vous ai annoncées, c'est-à-dire les méditations, le yoga, la pratique des arts martiaux, les initiations dans nos cultes en nous. Et ensuite, ne donnez pas un coup de pied à toutes ces religions étrangères, mais faites la sélection naturelle de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, afin que vous deveniez réellement un homme utile dans votre vie et de mener votre vie et d'être le maître de votre bateau, le commandant de votre bateau. Je vous remercie beaucoup. Que Dieu vous bénisse, Nzambakana. Pardonnez encore les caprices de la technologie. Bonne soirée à tous et bon week-end. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci, merci, merci.